Bonjour à tous, bienvenue dans votre cyber revue de presse, l'autre monde, une dose de lucidité hebdomadaire pour stimuler la réflexion et inviter à l'action. Nous en sommes à l'édition du 25 avril 2011. Je me nomme François Marginan. Je serai avec vous pour les deux prochaines heures sur les ondes de Choc FM, la radio alternative à Montréal et dans le monde. Alors, voilà, nous en sommes à la dernière émission de la session hiver. Et puis, nous allons maintenant entamer la semaine prochaine, en fait, au niveau de Choc FM, là, la session été. Sauf que, comme je le laissais savoir tranquillement durant les dernières émissions, chers amis, je vais m'absenter. Je vais m'absenter pour un certain temps. J'ai besoin d'un repos, alors je vais me l'accorder. J'ai besoin de récupérer un peu réellement. Là, c'est très prenant, évidemment, toutes ces activités. Autant l'émission que l'article que j'écris normalement hebdomadairement sur Sans papier, l'essai du Québec et les nouvelles internationales. Alors, votre humble serviteur va prendre au moins quelques semaines de repos et ça pourrait s'étendre un peu plus long. Je ne sais pas, j'ose pas vous donner de temps. J'ai vraiment le temps de prendre mon temps et puis de revenir lorsque je serai rempli d'énergie, disons. Donc, j'ai vraiment besoin de refaire mes batteries. Alors, c'est dit, c'est fait, et puis je suis certain que vous allez comprendre. Alors, désolé pour faire un silence radio pendant un certain temps, là. Par contre, si vous suivez mon blog Les Nouvelles Internationales, si vous suivez aussi Sans papier et peut-être à l'occasion, les sites du Québec, mais en tout cas, surtout sur Sans papier et les Nouvelles Internationales, je vais quand même demeurer actif sur ces endroits-là. Et puis, vous allez pouvoir retrouver là, des informations que je vais quand même continuer à publier. Et puis, le temps venu, eh bien, je vous laisserai savoir. Alors, revenez voir la page de l'Autre Monde de façon régulière. Et puis, je vous laisserai savoir là, lorsque l'émission va rentrer en onde. Alors, on va revenir en onde éventuellement, bien sûr. Donc, comptez là, peut-être un mois, deux mois, là, facile. C'est ce qui va se passer. Alors, voilà. Donc, c'est fait. Maintenant, ben écoutez, je vous remercie tout le temps d'être là, d'être à l'écoute, d'aller visiter aussi la chaîne YouTube de l'Autre Monde qui est tenue et maintenue en place et entretenue à chaque jour et à chaque semaine par notre cher correspondant français Stéphane Poutoir. Et puis, grand remerciement évidemment à lui aussi et puis à les gens de la station de Choc FM qui m'aident à mettre en onde cette émission. Alors, vous êtes là tout le temps depuis nombreux. D'ailleurs, au mois de mars, le mois dernier, on a battu des records des records d'écoute et de visite là sur Choc FM, et puis ça continue aussi d'augmenter sur la chaîne YouTube là, de l'autre monde. Alors vous êtes de plus en plus nombreux, et puis réellement je vous lève mon chapeau, et puis je vous salue bien bas réellement. J'apprécie votre présence, j'apprécie votre lucidité. La plupart des intervenants sont extrêmement bien informés et très intéressants. Alors, c'est vraiment plaisant de vous voir. C'est pour vous que je fais ça. Et puis, je vais continuer à le faire. Je me sens quasiment coupable d'arrêter, vous savez. Mais bon, il va bien falloir que je m'accorde cette petite pause. Ça fait quand même, quoi, 4 ans on est en onde ici à l'autre monde. Alors, quand même, on roule. Et puis, les émissions s'accumulent. C'est quoi les. En fait, cette semaine, ça se trouve à être la 182e émission. Alors, on n'est pas loin là, du 200 émissions. Donc, voilà, on est quand même assez bien établi. Et puis, même si on n'est pas en onde durant les prochaines semaines, ben écoutez, vous avez tout le temps les archives qui sont disponibles sur Choc FM, qui est quand même vraiment unique là, au niveau des radios. Vous pouvez retourner dans les archives, écouter toutes les émissions. Et puis, bien qu'il y ait tout le temps de l'actualité dans l'émission, il y a beaucoup aussi des sujets qui sont intemporels, c'est-à-dire qui sont tout le temps d'actualité réellement. Et aussi sur la chaîne YouTube de l'autre monde, où vous pouvez trouver toutes les émissions là, depuis, en fait, là, on a commencé, ça fait à peu près un an et quelques. On a commencé au mois de janvier dernier, je crois, de l'année passée, de 2010. Donc, il y a beaucoup d'informations là. Il y a beaucoup d'informations là. Et puis, notre correspondant français, Stéphane Poutard, va continuer aussi, évidemment, à mettre des vidéos, peu importe d'où elles viennent. Alors, nous avons tout le temps les informations à vous passer. Donc, c'est quand même pas là, un blackout total, OK? Donc, voilà, dossier élection. Vous savez, au Canada, les élections, ça s'en vient. Le gouvernement de Harper est tombé suite à un vote de non-confiance. Et puis, en fait, un vote de non-confiance, et on a rejeté le budget, finalement. Et puis, le gouvernement est tombé parce que c'est un gouvernement minoritaire. Et là, ben, on est reparti en cirque électoral. Cirque, parce que, je veux dire, à quelque part, il n'y a rien d'intéressant là-dedans. Je crois que la majorité de la population n'est même pas intéressée à ce processus électoral, autant chez les francophones que les anglophones du Canada. Je pense qu'aussi, on devient de plus en plus conscient que c'est vraiment simplement là, un exercice futile. On n'a plus vraiment de représentants qui représentent le peuple. Les politiciens sont là pour représenter leurs propres intérêts, et surtout les intérêts des banquiers privés et des multinationales. Alors, vous avez des accords qui sont mis, qui sont signés en réalité, année après année avec les États-Unis. Maintenant, il y en a un, comme j'en parlais la semaine passée, un accord qui est en train de se signer avec l'Europe, qui vont avoir des influences profondes sur notre mode de vie, sur notre économie, sur la façon qu'on veut gérer les affaires, sur notre souveraineté. Et puis, la population n'est même pas consultée. Finalement, on n'est jamais consulté, vous savez très bien. Quand il y a des sommets du G20, comme il s'est passé à Toronto, eh bien là, on sort la grosse artillerie, on sort la police, les techniques policières qui sont en train de devenir des techniques de soldats, techniques militaires carrément. On utilise toutes sortes de moyens pour écraser la population réellement. On parle du Canada ici, mais écoute, on utilise des techniques qui sont tellement déloyales qu'elles ont même été jugées en cour comme étant criminelles, enfreint la loi. Et puis, finalement, c'est nous qui payons ces policiers-là. Donc, on paye ces policiers-là pour opprimer la population qui, elle, aimerait avoir son mot à dire dans ces fameux sommets économiques. Alors, on prend des décisions fondamentales qui vont même jusqu'à affecter notre souveraineté nationale. Et puis, eh bien, on ne demande même pas à la population ce qu'elle en pense. La population réclame de retirer les soldats de l'Afghanistan. Et puis, ben, lui, le Canada décide tout simplement de continuer à les laisser là malgré l'assentiment populaire au Canada. Un autre exemple, ben, écoutez, vous avez Israël qui va attaquer une flottille d'aide humanitaire en eau internationale. Et puis là, vous avez Harper qui tout simplement décide de soutenir ça. Donc, finalement, en notre nom, on supporte toutes sortes de causes qui sont des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre, qui sont des trucs complètement immoraux, sans éthique réellement. Et puis c'est notre nom qui est là. Donc après ça, on nous demande d'aller voter aux 4 ans, ou ben non, même là aux 2 ans, comme c'est là au Canada. Et puis on appelle ça un exercice démocratique. Réellement là, ils peuvent bien aller se le mettre dans le derrière leur hein, leur exercice démocratique, entre parenthèses, c'est une illusion de démocratie. Il ne reste plus rien de démocratique là-dedans. Alors, leur vote, là, pour moi, là, vous allez voir une initiative, je dirais, qui va être présentée le 29 avril sur sans-papiers. Allez voir ça. Vous avez plusieurs articles de différents auteurs qui vont justement parler de ces élections, puis qu'est-ce qu'on en pense, et surtout de l'importance d'aller voter ou de la non-importance d'aller voter. Et vous allez vous rendre compte que sans être un effort concerté ou quoi que ce soit, vous allez plutôt constater que c'est vraiment un sentiment général chez les Canadiens, chez les Québécois, que c'est complètement futile. Je veux dire, ça ne sert absolument à rien d'aller voter, d'aller porter votre petit bout de papier. Je veux dire, c'est mon opinion personnelle, là. C'est sûr que dans une démocratie qui fonctionnerait, dans une république ou peu importe, à ce moment-là, peut-être que ça voudrait signifier un peu plus de quelque chose d'aller voter, mais je veux dire, à l'heure actuelle, que vous votez pour un, que vous votez pour l'autre, ça n'a plus aucune importance. Je veux dire, ce sont tous des voleurs, tous des menteurs. Désolé de le dire comme ça fait peut-être pas très raffiné comme truc, mais réellement, je crois que ça trahit vraiment le sentiment général de la population, et puis je le partage amplement. Personnellement, c'est mon choix. Je vous invite à vraiment réfléchir et à prendre le vôtre, là. C'est pas une question de se faire imiter ou quoi que ce soit, là. Soyez indépendant de la pensée puis critique, mais moi personnellement, en tout cas, j'irai pas voter. Si j'irais voter, je veux dire, j'annulerais mon vote, tout simplement. Il y a rien là, il y a rien, absolument rien là. Il y a pas de débat d'idées, il y a pas de vision du futur, il y a pas de projet de société. Personne qui parle vraiment des choses fondamentales. C'est tout le temps des attaques personnelles. On parle de ci, de ça, vraiment de rien d'important. Et puis après ça, on vous demande d'aller voter puis de choisir. Je veux dire, de choisir parmi des clowns, parmi des bouffons, des représentants du secteur privé. Je veux dire, moi, franchement, là, j'ai même pas de, j'ai pas envie de participer à cet exercice futile, illusoire et théâtral. C'est une inutilité totale, et puis j'ai déjà passé maintenant trop de temps là-dessus. C'est tout ce que j'avais à dire. J'ai même pas voulu en parler les semaines précédentes, et puis j'en parlerai plus non plus. Je veux dire, c'est une perte de temps totale, une perte d'argent. Ces cons-là ne représentent plus personne d'autre sauf le secteur privé, les intérêts privés. Ne sont pas là pour protéger la population, représenter la population, c'est bien évident. On donne notre argent à des banquiers privés qui n'étaient même pas en problème financier. On a donné 200 milliards de dollars pour les sauver ici au Canada. Ces gens-là se sont tournés de bord, sont allés acheter des banques en difficulté aux États-Unis pour augmenter leur portfolio. On se fait avoir partout, on se fait voler de A à Z, on se fait mentir complètement. C'est pas difficile de savoir quand est-ce que ces gens-là, ils mentent. C'est dès qu'ils ouvrent la bouche, c'est pas compliqué. Dès qu'ils ouvrent la bouche, puis des mots commencent à sortir, c'est des mensonges. C'est pas plus compliqué que ça. Alors, il est temps qu'on jette ça à terre, qu'on nettoie ça, qu'on crée des nouveaux partis politiques, que ces gens-là, ces carriéristes politiques, je veux dire, des gens qui font des carrières de 30, 40 ans dans la politique, là, posez-vous pas trop de questions, là. C'est pas votre bien qu'ils ont à cœur, ces gens-là. Je dis des intérêts personnels. Ils aiment se montrer à la face. Ils aiment avoir de voir leur figure à la télévision, les contacts qui se font, le plus gros carnet de contacts, je veux dire, c'est celui qui va être le meilleur en politique. C'est celui qui va lécher le plus le cul de qui, et puis après ça, il se retrouve en position. C'est des gens en aide, des gens qui voudraient vraiment changer de quoi, ne sont pas là. Ils ne peuvent pas atteindre ces sommets-là. C'est pour ça qu'il est temps de tout abolir ça. On repart à zéro. On part avec des vrais citoyens, des gens. Il faudrait quasiment élire des pauvres tant qu'à être là. Je veux dire, pourquoi élire tout le temps des riches, des avocats qui savent comment le système fonctionne pour mieux pouvoir le manipuler, pour mieux pouvoir en retirer des profits eux-mêmes et le contourner, hein? Je veux dire, vous avez des gens comme Mulroney, que ce soit autant libéral que conservateur, Bloc québécois, que ce soit le NPD ou le Bloc vert, ce sont tous des gens qui, finalement, sont là pour leurs propres intérêts, ne sont pas à l'écoute de la population. Ces gens-là, comme vous rappelez Mulroney, je veux dire, ont commis des crimes, ont volé de l'argent, reçu des enveloppes brunes par derrière, donc pot de vin par-là, graissage de pâte, et puis ces gens-là sont tout le temps bien connectés, ou des avocats eux-mêmes, et puis finalement passent à travers entre les gouttes, n'arrivent jamais on n'arrive jamais à leur mettre la main au collet, et puis à les mettre en prison ou les faire prendre les responsabilités, je veux dire, qu'ils auraient dû prendre, et puis je veux dire, réellement, ça donne quoi d'aller voter? Donc, la solution, c'est quoi? Ben, la solution, c'est de penser par vous-même qu'est-ce que vous voulez faire. Je veux dire, si vous êtes Canadien, et puis vous prendrez votre propre décision vous-même. Annuler le vote, à ne pas aller voter ou aller voter, je veux dire, ça sera votre choix. Ben, le mien est fait, et puis ainsi soit-il. Donc voilà pour ça. Au niveau de l'actualité maintenant, ben écoutez, des nouvelles cette semaine, ça a été pas mal, là, une nouvelle importante de la semaine, c'est ces fameux téléphones cellulaires qui finalement écoutent, enregistrent et emmagasinent les informations que vous avez sur votre téléphone cellulaire. Vous savez, les textes, les textos, tout ça, c'est enregistré, c'est gardé dans des banques de données. Il y a des cas en justice où on a utilisé des téléphones cellulaires justement pour écouter les personnes sur lesquelles on enquêtait. Et puis c'est même maintenant valable en cours de justice, en tout cas aux États-Unis, ça l'est. Donc, les compagnies peuvent vous écouter ce que vous dites sur votre téléphone cellulaire. Et puis, c'est la même affaire pour, évidemment, les services secrets et la police. Alors, on peut écouter ce que vous dites sur votre téléphone cellulaire en tout temps et aussi savoir où vous êtes en tout temps, en temps réel. Donc, par triangulation, on sait exactement où vous êtes. Et puis, n'importe qui, quasiment, peut avoir accès à ces informations-là. Et puis, ben là, cette semaine, ça a été l'histoire du smartphone. Alors, vous avez ce smartphone-là d'Apple qui, selon deux chercheurs, Alasdair Allen et puis Pete Warden, ce dernier, Pete Warden, est un ancien collaborateur d'Apple, aurait découvert par hasard, entre guillemets, alors qu'il travaillait sur la conception d'un logiciel de visualisation cartographique, l'iPhone et l'iPad enregistraient en permanence la position de l'utilisateur dans une banque de données très riche, mise à jour en permanence localement dans l'appareil depuis la version 4.0 de l'iOS. Alors, cette base de données serait également archivée, donc cryptée, non compressée, sur l'ordinateur de l'utilisateur à chaque synchronisation. Tout cela, bien sûr, sans que l'utilisateur en soit informé et sans son consentement. Alors, ça, cette notion de consentement est très importante. Et puis, on pourrait faire évidemment un parallèle avec ces fameuses élections canadiennes dont je parlais. Ces gens-là, parce qu'on va voter aux 4 ans, ils pensent que notre consentement pour faire ce qu'ils veulent, envoyer nos soldats au Moyen-Orient, aider à renverser des gouvernements démocratiquement élus comme en Haïti, je veux dire, approuver des crimes de guerre en eau internationale par Israël, c'est la même affaire. Je veux dire, c'est vraiment le secteur privé, le secteur bancaire qui contrôle tout et prennent les décisions sans notre consentement. Alors, notion très importante. Et puis, écoutez, impensable que ce soit sur le plan éthique ou sur le plan juridique, et même sous bien d'autres aspects encore. Écoutez, il y en a des invasions de la vie privée incroyables, je veux dire, par tout ce qui se passe sur Internet, où c'est que vous êtes traqué, suivi à la piste par des serveurs comme Google, Yahoo, les courriels, ensuite Facebook. Qu'est-ce que c'est horrible, Facebook, je veux dire, c'est une horreur totale, je veux dire, les informations qu'on emmagasine sur vous, on vous suit, vos allées et venues sur Internet, on emmagasine ça. Tout ce que vous postez sur Facebook devient leur propriété. Ils peuvent l'utiliser pour en faire de l'argent. C'est incroyable, je veux dire, c'est vraiment une époque débile. Donc, le iPhone, lui, qui va garder en mémoire ces données-là, partout où vous allez, il y a le Guardian en Angleterre qui a parlé de ça aussi. Ça a fait toute une cohue aussi en Amérique, donc autant au Canada qu'aux États-Unis. Donc, vous avez ces chercheurs qui travaillent au niveau de la sécurité sur justement la technologie. Ont découvert que le iPhone de Apple vous suit partout où vous allez et enregistre tous ces détails si vous voulez, une filière secrète qui ensuite est copiée sur l'ordinateur du propriétaire et qui, alors que ces deux sont synchronisés ensemble. Donc, on garde vos latitudes, vos longitudes, toutes vos coordonnées avec évidemment le temps, alors à savoir à quel moment vous vous trouvez, à quel endroit. Finalement, n'importe qui peut vous suivre, savoir exactement où vous êtes en temps réel. Alors, c'est assez particulier. Donc, si vous êtes propriétaire d'un iPhone ou ben non, d'un iPad, ben peut-être que ce serait le temps de commencer à vous poser des questions par rapport à ça. Il y a vraiment de quoi s'inquiéter là-dedans. Les gens vont dire, ouais, monsieur, on n'a rien à cacher, laissez faire si on a le droit de vous cacher, là. Imaginez quelqu'un qui vous suivrait, vous épierait vos moindres gestes, vous suivrait à longueur de journée, regarderait à travers votre fenêtre pendant que vous êtes à la maison, regarderait ce que vous mangez, lorsque vous prenez une douche, après ça, regardez quel programme vous regardez à la télévision. À un moment donné, je suis pas certain que vous seriez bien très à l'aise avec ça, disons. Je suis pas certain que si Apple arriverait cogner à votre porte et vous dirait, écoutez, est-ce qu'on peut installer des caméras chez vous et puis des microphones pour écouter puis voir tout ce que vous faites? Je suis pas certain que vous sentiriez bien à l'aise avec ça. Alors, je vois pas où la différence avec un iPhone qui vous suit partout. C'est comme si vous aviez un petit engin électronique là, qu'on plante là, sur les personnes pour les suivre et puis espionner. Donc, c'est pas mal la même affaire. C'est sauf que là, vous l'achetez ce truc-là et vous le portez volontairement sur vous. Et à votre insu, sans votre consentement, eh bien, on enregistre vos moindres allées et venues et puis vos conversations, vos données. Alors, c'est assez incroyable. Donc, vous avez plusieurs pays, même en Allemagne, où on a demandé des explications, plus de clarté à propos justement de cette façon là, d'emmagasiner toutes les données des propriétaires du iPhone. C'est pas les seuls, comme je vous disais, vous avez Yahoo ici qui a augmenté, elle, de faire, qui a augmenté sa période de rétention des données qu'elle garde sur ses utilisateurs. Et puis, ils ont passé cette période-là en fait, ils l'ont fait passer de 90 jours à 18 mois de longueur. Alors, imaginez, on va garder vos données comme ça pendant plus de 18 mois. Donc, un an et demi. On est passé là, de 3 mois à un an et demi. Et puis, ben écoutez, c'est un autre exemple justement de ces compagnies-là privées qui accumulent vos données privées, vos données personnelles et en font toutes sortes d'utilisations. Alors, vous avez un autre article ici qui a été publié dans le Daily Mail. Là, on parle de Google, qui eux autres aussi transmettent des informations, par exemple, votre localisation, si vous vous trouvez. Et puis envoie ça à leur compagnie. Donc là, vous avez des téléphones cellulaires aussi qui ont trouvé justement des petits programmes de Google qui transmettent des informations personnelles comme ça. Donc, toutes sortes d'affaires, hein? Donc, vous voyez, c'est vraiment fantastique. Alors, eux autres sont impliqués aussi avec l'histoire de Apple. Ensuite, la Nouvelle-Zélande, elle, c'est le gouvernement qui ont décidé de prendre par surprise le public et on a passé en place une nouvelle pièce de législation qui donne 3 chances aux utilisateurs d'Internet et on va les avertir là, si, par exemple, ils utilisent du matériel sur lequel existent des droits d'auteur ou quoi que ce soit. Et après ça, on va faire en sorte que, selon cette nouvelle mesure, les utilisateurs pourront être déconnectés de l'Internet pour une période allant jusqu'à 6 mois de temps. Alors là, on va se donner le droit tout simplement là, de restreindre l'accès à l'Internet pour certaines personnes. Alors, voyez que le gouvernement commence à vraiment adorer ces mesures-là. On va pouvoir contrôler un peu plus qui va avoir accès à l'Internet ou pas. Quoique je me pose une question réellement, comment qu'on peut empêcher une personne d'accéder à l'Internet? Je veux dire, il s'agit d'aller simplement à un café Internet, à mon avis, et puis zap, on se connecte. Je trouve ça un peu particulier, mais quand même, on voit un peu la volonté du gouvernement. C'est ça qui est important aussi là-dedans. Parlant de gouvernement, ben là, vous avez aux États-Unis, au Michigan, le gouverneur, lui, qui aussi est en train de mettre en place son petit État policier. Je dirais peut-être une façon dictatoriale là, de se donner des droits, hein, des droits qui sont évidemment non constitutionnels, de saisir toute la technologie, en fait, l'information qui vont se retrouver sur des bidules technologiques, alors comme les téléphones cellulaires. Alors, vous avez au Michigan maintenant la police qui va être autorisée à saisir vos téléphones, vont retourner à leur voiture, par exemple, et puis ils vont télécharger toutes les informations que vous avez sur votre téléphone cellulaire, vos conversations, les appels que vous avez faits, tout complet, toutes vos données. Zap, ça prend moins de 2 minutes. On emmagasine toute votre information, après ça, on vous redonne votre téléphone cellulaire. Alors, pensez à ça un peu, c'est assez spécial. On va donner la police, le droit à la police, le pouvoir, en fait, à la police de procéder à votre arrestation, de vous arrêter même sur la place publique pour n'importe quelle raison et pour même des infractions mineures de la circulation et tout simplement là, saisir toutes vos informations. et puis les emmagasiner dans les fichiers de la police. Alors, vous voyez, quand même, là, c'est assez particulier. L'Europe, une petite vidéo ici, allez voir l'Europe qui a déclaré justement que, bon, il y avait des problèmes là, avec cette rétention de données, des données personnelles, donc des gens. Alors, allez voir cette vidéo-là. Donc, tout un dossier. Alors, maintenant, on va se tourner vers le golfe du Mexique. Vous savez, j'en parle assez régulièrement suite à l'histoire de BP et puis tous les développements. On a d'autres nouvelles assez intéressantes cette semaine qui sont sorties. La première que je vous présente fait effet de 3 200 puits de pétrole dans le golfe du Mexique qui ont été abandonnés. On parle dans le golfe du Mexique, donc sous la surface de l'eau, donc à des profondeurs même assez importantes. Et puis, ce sont 3 200 puits de pétrole qui ont été classifiés comme étant toujours actifs, mais abandonnés, qui sont mal aussi colmatés, alors et non protégés. Donc, vous avez ces nombreux puits de pétrole qui n'ont aucun bouchon de béton pour essayer de prévenir toute fuite qui pourrait survenir à la suite d'accidents ou d'autres événements comme on a vécu lors de l'automne passé avec BP. Donc, vous devez comprendre là, que de ces 3 200 puits, là, ces 3 200 puits, c'est ceux qui ne sont pas très bien colmatés et puis qui sont à risque. Mais il y en a de nombreux autres dans le golfe du Mexique, du golfe du Mexique. En fait, vous avez plus de 27 000 puits de pétrole qui ont été percés dans le fond du golfe du Mexique. N'est-ce pas assez incroyable? 27 000 puits de pétrole qui ont été colmatés et classifiés comme étant officiellement et de façon permanente abandonnés ou abandonnés de façon temporaire. Donc, ça en fait pas mal de puits de pétrole qui sont là, qui gisent dans le fond du golfe du Mexique et qui peuvent évidemment à tout moment relâcher des fuites importantes de pétrole puisque certains là-dedans sont encore actifs aussi, c'est-à-dire qu'ils sont encore connectés à des réserves de pétrole qui sont bon, qui en contiennent une certaine quantité. Donc voilà, ensuite, ben, vous avez ici une autre nouvelle qui parle de BP. Alors on a célébré le triste anniversaire, en fait, célébré, je veux dire, c'est un bien grand mot, je devrais plutôt dire, c'était l'anniversaire du déversement du volcan de pétrole de BP qui est survenu l'année passée. Et ben, qu'est-ce qu'on apprend? C'est que finalement, on a repris le drillage, alors on a recommencé à perforer des puits dans le fond du golfe du Mexique. Alors, bravo pour l'anniversaire. Et puis, comme anniversaire, ben, on apprend justement que eh ben, c'est reparti de plus belle dans le golfe du Mexique. Et puis, au diable le vent, on va continuer à percer pour faire des puits de pétrole et profiter de ça. Le Congrès américain n'a pas passé aucune loi pour essayer d'augmenter les standards, évidemment, les réglementations pour protéger l'environnement et la population. Il n'y a absolument rien qui a été fait, réellement, absolument rien qui a été fait pour améliorer la situation. Donc, cette pauvre attitude, c'est celle qui a évidemment causé la perte de vie pour 11 personnes, 11 hommes qui sont morts sur la plateforme du Deepwater Horizon, qui a causé le plus important désastre environnemental de l'histoire des États-Unis, à tout le moins. C'est pas un des plus grands désastres au niveau planétaire. Donc, voyez que on s'en fout réellement, on laisse le temps passer, on espère que les gens ont la mémoire courte et puis que ces gens-là soient apathiques et puis ne réagissent pas. Donc, ça va être la même affaire avec Fukushima. Donc, on en parle, puis à un moment donné, on va en parler de moins en moins. Et après ça, ben, on va tout simplement arrêter d'en parler comme si ça n'existait tout simplement plus. Et c'est vraiment comme ça que ça se fonctionne, là, réellement, là. L'argent des compagnies de pétrole qui, vraiment, là, rentre dans la caisse électorale des représentants au Congrès fait le travail. Ces gens-là n'ont pas vraiment aucun intérêt à passer des lois qui soient plus strictes pour l'exploitation du pétrole, parce qu'en majorité, ces gens-là reçoivent de l'argent de ces compagnies pétrolières. Donc, encore là, ça fait un parallèle avec ce que je disais en début d'émission. les gens qui sont financés et tout simplement donc contrôlés par les intérêts privés, finalement sert ces intérêts-là et non ceux de la population. C'est assez évident et clair. Et aussi, ce qui est clair et évident, c'est que ça soit répandu partout. C'est vraiment répandu dans tous nos pays. Donc, ensuite, il y a une autre nouvelle ici qui parle de ces compagnies pétrolières qui ont injecté des centaines de millions de litres de produits chimiques, cancérigènes, dangereux, dans des puits de pétrole, justement, divers. Alors, ça rentre dans le processus de drillage. Alors, quand on drille ces fameux puits de pétrole et puis de fracturation aussi du sol, hein, donc, vous savez, avec ces gaz de schiste, on doit injecter des sortes de mixtures à haute pression, des mixtures qui contiennent des produits chimiques très dangereux. Et on envoie ça dans le sol, on envoie ça dans les puits de pétrole, ça se retrouve dans les nappes phréatiques et qui finit par boire ça? Eh bien, c'est nous. Et il y a de nombreuses vidéos sur YouTube, si vous voulez aller voir ça, de personnes, particulièrement aux États-Unis, qui se sont retrouvées avec de l'eau potable dans le robinet qui prenait feu lorsqu'on l'allumait, hein, pour vous donner une idée. Donc, c'est des choses bien réelles. Les compagnies pétrolières et gazières aussi qui ont pompé des millions de litres de produits chimiques cancérigènes dans l'eau potable, dans le réseau d'eau potable aux États-Unis. Pourquoi? Ben parce que, évidemment, comme je vous dis, ça se ramasse. Ça se ramasse là parce que, effectivement, toutes ces matières chimiques-là qu'on injecte dans le sol finissent tout le temps par migrer vers les nappes phréatiques. Et puis, ben, ça se retrouve évidemment dans notre chaîne alimentaire ensuite. Donc, voilà quelques quand même nouvelles là, par rapport à ça. Un autre ici qui parle de BP, d'empoisonnement chimique, une crise qui est en train de se développer aux États-Unis. Ça va avoir un impact de plus en plus important sur l'environnement, sur la santé des gens. On a de plus en plus de personnes qui sont gravement malades dans la région autour du golfe du Mexique. Des nouvelles qui continuent à s'accumuler, qui ne sont vraiment pas très reluisantes pour le cartel pétrolier. Donc, vous avez toutes sortes de nouvelles ici. Il y en a d'autres là, qui sortent là, par rapport à ça, des fameuses nouvelles maladies mystérieuses qui commencent à affecter des gens qui vivent dans la région du golfe du Mexique et ceux qui ont participé à la campagne de nettoyage. Donc, des gens qui se retrouvent avec toutes sortes de problèmes de santé assez graves, là. Et puis assez particuliers qui sont sûrement évidemment causés par les produits chimiques comme le Corexit et le pétrole lui-même. Donc, plusieurs nouvelles à aller consulter pour vous. Ensuite, les pesticides. Bon, ben, en tant qu'à parler de santé, on va continuer dans ce dossier-là. Alors, dans une des études qui a été faite par l'Université de Berkeley en Californie, l'Université de California, Berkeley, ont trouvé que pour chaque exposition de 10 fois la normale, à des pesticides d'organophosphate correspondent avec une chute de 5,5 points d'intelligence chez les enfants qui atteignent l'âge de 7 ans. Donc, voyez que pour plus en fait l'exposition prénatale à des pesticides est importante, plus il va y avoir une perte d'intelligence, donc de quotient intellectuel. Donc, c'est quand même une nouvelle assez importante là, à considérer ici. Donc, il n'y a pas que les fluorures qui causent des pertes du quotient intellectuel. Vous avez tous ces pesticides et ces produits chimiques qui nous entourent aussi. Ensuite, un autre article ici parle des différents noms des ingrédients qui contiennent du MSG, alors le glutamate monosodique qui est aussi très dommageable pour la santé. Et malheureusement, ce qui arrive, c'est qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont conscientes de ça et puis commencent à éviter les produits qui contiennent des MSG, du MSG. Et puis, ce qui arrive, c'est que là, ben, on change le nom, on incorpore ça à d'autres éléments, d'autres ingrédients. D'une façon ou d'une autre, ce qui arrive, c'est qu'on se retrouve avec une liste impressionnante de noms qui sont ni plus ni moins du MSG. Sauf qu'on, finalement, on cache ce fait-là sous différents noms. Donc, ici, cet article-là est quand même assez intéressant, puis je vous invite à le partager avec d'autres personnes pour essayer d'informer le plus de personnes possible, parce que, justement, il faut savoir se protéger de ces composants-là qui sont vraiment nuisibles pour la santé. Ensuite, on parle d'un autre On parle d'un autre produit chimique qui cause le cancer dans le Daily Mail, un article qui a été publié là-bas. Et c'est un ingrédient chimique qui se retrouve dans des milliers de produits fabriqués en usine. Alors des produits là, on parle évidemment de la nourriture, mais de la nourriture commerciale, industrielle, là, tu sais, la nourriture qu'on fait dans les grandes industries. Et dans cet article là, du Daily Mail, ben, on apprend que ce truc-là se retrouve dans une grande variété de produits alimentaires, autant que par exemple que les croustilles, le pain, la nourriture pour bébé. Vous avez des scientifiques qui ont identifié de haut niveau de ces produits chimiques-là dans la nourriture fabriquée industrielle. En substance, il s'agit de l'acrylamide avec laquelle on a trouvé plusieurs liens avec le cancer, incluant des problèmes avec les intestins, avec les reins, aussi avec c'était un produit chimique là, qui est connu pour causer l'infertilité et puis une perte de contrôle musculaire. Alors, il apparaît que ce truc-là se forme lorsque la nourriture est chauffée à plus de 120 degrés Celsius et ce composant chimique, l'acrylamide, ne se retrouve pas, par exemple, dans la nourriture qui n'est pas cuite ou qui n'est pas bouillie. Donc, c'est pour ça vous montre là, vraiment que c'est la nourriture industrielle qui, par exemple, se retrouve avec ce problème-là. Ce composé chimique-là se retrouve d'ailleurs dans l'industrie de la manufacture, est utilisé pour fabriquer de l'asphalte, par exemple, de la colle, vous avez des teintures pour fabriquer du papier. Et aussi des cosmétiques, par exemple. C'est quand même assez spécial de voir justement qu'on est entouré de toutes sortes d'agressions comme ça. Notre corps qui quand même continue à se défendre, mais tant qu'à être bien informé, ben, à ce moment-là, on peut mieux, hein, tout se peine de se protéger et de faire attention un peu à notre santé. Donc, voilà. Donc, ensuite, vous avez ces fameux bulbes, hein, qui contiennent encore là, des produits chimiques cancérigènes. Alors, ces fameux fluorescents, hein, ces fameuses lampes fluo compactes qu'on essaye de vous vendre partout, même au prix de bannir les bulbes incandescents. Vous savez, aux États-Unis et au Canada, on a carrément banni ça. Alors, très bientôt, ça va être illégal de vendre des bulbes incandescents. Okay? Alors on dit, ben oui, il faut adopter la solution verte, hein, la solution pour sauver la planète. Il faut couper dans nos émissions de CO2. Hein? Donc là, ce qu'on dit, ben, c'est qu'il faut utiliser ces fameux bulbes fluorescents qui, eux, malheureusement, contiennent plus de produits chimiques, des isotopes radioactifs, du mercure, et qui sont extrêmement nuisibles pour la santé. Et curieusement, il est illégal, par exemple, de déverser du mercure sur le sol, hein, donc n'importe où. Par contre, il est complètement légal, selon leurs standards, d'aller déverser toutes ces quantités de mercure-là dans des dompes, hein, donc dans les endroits où on enfouit les ordures. Okay? Donc, c'est quand même des doubles standards assez curieux aussi. Donc, on ne peut pas, par exemple, là, jeter du mercure sur le sol, n'importe où, mais lorsque c'est enfoui, hein, donc là, c'est correct. Et puis pourtant, ça se retrouve en quantité importante, vu justement la quantité importante là, de tous ces déchets-là qui se retrouvent dans ces endroits-là. Donc, voilà. Et puis, vous devez comprendre que justement, le bulbe fluorescent compact a été inventé par qui? Ben, par General Electric, la même compagnie qui a designé les réacteurs qui, en ce moment, crachent des matières radioactives partout, qui se propagent partout dans l'hémisphère nord. La compagnie General Electric, chers amis. Et puis, parce que personne ne voulait dépenser plus d'argent pour acheter des bulbes fluorescents qu'ils étaient plus toxiques, contenant du mercure et puis des radioisotopes. Et ben écoutez, ce qui est arrivé, c'est que vous avez General Electric qui a fait des pressions, qui a fait beaucoup de lobby auprès du Congrès américain pour passer des lois qui rendaient leurs bulbes complètement obligatoires, tout en bannissant en plus la compétition, en bannissant les bulbes incandescents. N'est-ce pas incroyable? Et puis là, ce n'est pas qu'une affirmation gratuite. Vous avez les liens qui sont là. Vous pouvez aller voir ça. Ça a été même publié dans les médias de masse. Hein? Donc, General Electric qui a donné de l'argent, a fait du lobby auprès du Congrès américain pour leur faire changer la loi et puis privilégier leurs produits. Donc, c'est quand même assez particulier comme situation. Et encore là, une fois, vous voyez le pouvoir des corporations sur nos pays. Et puis, si vous pensez que c'est en allant voter aux 4 ans que vous allez changer quoi que ce soit, chers amis, bonne chance. J'ai un beau chalet à vous vendre sur la Lune, pas cher à part de ça. Donc, voilà, ça aussi, c'est des nouvelles importantes et puis, c'est un autre coup dans les reins pour la santé de la population et puis la protection de la population parce que justement, ces bulbes-là, non seulement sont plus polluants, mais en plus, on nous avait menti hein, sur la durée de vie de ces trucs-là. On disait que c'était pour durer pendant des milliers, des milliers d'heures, donc pendant très longtemps. Et puis en réalité, moi je sais pas si vous avez fait le test à la maison là, mais réellement là ces trucs-là, là ça dure pas si longtemps que ça là, hein? Ça dure pas si longtemps que ça. Donc est-ce que ça vaut la peine? Non. Et puis pour en plus l'argent en plus là que ça coûte pour s'acheter ces trucs-là, réellement là je pense qu'on pourrait avoir une meilleure éco-imagination comme on dirait. Hein? Vous avez GM qui a fait une publicité comme ça, ça fait assez dur comme truc. Donc voilà, pendant ce temps-là, qu'est-ce qui arrive? Ben, c'est qu'on va fermer évidemment ces manufactures qui fabriquaient ces bulbes incandescents et General Electric va se retourner de bord et s'en va ouvrir des usines pour leurs bulbes fluo compacts ou en Chine. Alors, c'est la Chine qui va profiter en plus de ce nouveau secteur de l'économie. Alors, n'est-ce pas incroyable? Donc, encore là, les gens qui chez nous vont continuer de s'appauvrir pendant que on va les forcer à s'acheter des bulbes fluo compacts qui sont fabriqués en Chine. Wow! C'est vraiment de toute beauté de voir ça. Ensuite, on a ici une charte assez particulière. Allez voir, ça a été publié sur Natural News, vraiment spécial, oui. Pourquoi? Parce que vous avez une charte qui a été mise en page par un groupe qui s'appelle Information is Beautiful, que je vous invite à aller découvrir. Ils ont des belles chartes, vraiment en couleur, bien designées. Et on avait appris un peu plus tôt cette semaine que l'exposition à la radiothérapie pour le cancer est, en fait, envoyait une dose fatale de radiation chez les patients. Ça aussi, c'est une nouvelle quand même assez choc, dans le sens où, écoutez, on dit vouloir guérir le cancer en vous donnant le cancer, c'est un autre illogisme irréconciliable. Et puis, malheureusement, vous allez voir sur la charte qui a été copiée par Mike Adams du site Natural News. Et puis, une chance qu'il l'a faite parce que pas longtemps après, cette information a été effacée, a été disparue de leur elle est disparue de leur site. Donc, lui a eu la présence d'esprit de prendre une photo de l'écran de son ordinateur et puis poster côte à côte ces deux graphiques, donc le avant et après. Et puis, pourquoi on l'a changé, on a retiré quelque chose de ces graphiques-là, de cette charte-là, c'est parce qu'on pouvait y apercevoir justement que les doses de radiothérapie qu'on donne aux patients qui ont le cancer sont extrêmement élevés, en fait, sont plus élevés que ce que j'ai jamais eu à Tchernobyl et à Fukushima. Alors, voyez un peu là, le truc ici particulier, c'est vraiment des méga doses instantanées et on dit guérir le cancer avec ça. Donc, c'est quand même un article important à les consulter. Vous voyez ici, à 100 millisieverts, on dit que c'est la dose annuelle qu'une personne devrait avoir dans un an et puis qui pourrait augmenter le risque de développer des cancers. À 250 millisieverts, vous avez la dose limite pour un travailleur dans le domaine du nucléaire dans une situation très importante. Alors, normalement, ils sont beaucoup plus bas que ça, mais là, on augmentait ça à 250 millisieverts. Pour particulièrement les travailleurs à Fukushima, pour faire en sorte que ce soit encore illégal pour eux d'être sur les lieux. À 1000 millisieverts, donc à un sievert, on se retrouve avec vraiment là, des sensations très inconfortables de nausées. Et puis, vous avez évidemment le nombre de cellules dans le sang qui baissent. Et puis, ça continue comme ça. Et puis, en voyant la charte, bien, écoutez, c'est ça qui est assez incroyable, c'est qu'on voyait des doses, par exemple, à 4 à 5 000 millisieverts, donc à 4, 5 sievers, on se retrouve avec des doses extrêmement sévères de radiation, des grandes chances de fatalité. À 6 sievers, ben on parle normalement d'une dose fatale. À 10 000 millisieverts, donc à 10 sievers, on parle d'une dose fatale. Et puis, rendu à ce niveau-là, sur la charte, la première charte qui avait été mise en ligne, on pouvait y lire qu'à 20 000 sievers, donc à 20 sievers, vous aviez ces gens qui subaient des radiothérapies. 20 000 millisieverts ou 20 sievers. N'est-ce pas incroyable? Si on dit qu'à 10 sievers, on a une dose fatale, et puis que l'industrie du cancer utilise deux fois cette dose pour traiter le cancer, disons qu'on peut, on peut simplement dire que ces traitements-là sont barbares. OK? C'est assez choquant, là. Et puis, ben écoutez, comme je vous disais, il n'y a pas longtemps après, ben, on a retiré cette première charte de l'Internet et on l'a remplacée avec une autre où n'apparaît pas du tout cette mention du 20 sievers qui provient de la radiothérapie contre le cancer, alors des expositions très locales, mais qui sont extrêmement élevées. Alors, quand même, là, vous voyez des chiffres là, qui sont à faire secouer la tête. Curieusement, comme on en parlait encore quelques fois d'ici le début de l'émission, ben écoutez, vous avez General Electric qui se trouve à être d'un des principaux manufacturiers de l'équipement de radiothérapie. Eh bien, gardons ça. Tous ces gens-là, ils ont vraiment la main partout, hein? Donc, une compagnie absolument fantastique. Donc, c'est suffisant pour ce dossier-là. Les scans CT, je ne sais pas, les backscatters, je ne sais pas comment on appelle ça en français. Je suis désolé pour ça, chers auditeurs. Là, vous savez, je vous transmets les nouvelles. Là, je fais une traduction instantanée. Là, je lis les nouvelles en anglais, puis je les sors en français. Donc, des fois, les termes exacts me manquent, mais ce sont ces fameux scanners corporels là, qu'on utilise dans les hôpitaux pour les scans les plus importants. Ben, écoutez, on apprend dans une autre nouvelle ici, selon une étude, que ces fameux scanners-là causent plus de cancers qu'ils n'en trouvent ou qu'ils aident à guérir. C'est quand même des nouvelles aussi importantes à avoir en tête là, avant d'aller subir des scans avec ces machines-là. Quand on cause plus de cancers qu'on en trouve là, à un moment donné, là, c'est la même affaire que les fameuses mammographies. Pour chaque mammographie qu'on en trouve, je pense qu'on en crée quoi, 5, une affaire comme ça. Donc, hein? Tu sais, je veux dire, c'est quoi l'utilisation, l'utilité en fait de ces fameuses machines-là? Il y a vraiment des questions à se poser ici. Alors ici, un peu plus tard dans cette nouvelle-là, qui est une étude qui a été publiée dans le New England Journal of Medicine, justement, on avertit les gens de risques de menaces à la santé publique importantes qui sont utilisées par la surutilisation des CT scans. En 2010, juste au début de 2010, on a une étude qui a été publiée dans le journal Archives of Internal Medicine, qui a trouvé que justement ces fameux scanners-là causaient grosso modo 29 000 cas de cancer supplémentaires et 14 500 morts à chaque année aux États-Unis. Donc, hey, méchante solution, ça l'aide en cibole. Vraiment, là, c'est quelque chose, c'est quelque chose. Ensuite, encore au niveau de la santé, ben, vous avez des chercheurs qui travaillent pour la CDC à propos des vaccins et puis de l'autisme qui ont été rendus coupables pour fraude et puis pour blanchiment d'argent. Monsieur Paul Thorson, le principal coordonnateur de différentes études et de multiples études qui ont été financées par le Center for Disease Control and Prevention, donc la CDC. Écoutez, on a trouvé chez cette personne-là qui, lui, a utilisé justement ou a dénié des liens entre l'autisme et le vaccin et a été finalement rendu coupable sur 13 compte d'accusation. Et puis, écoutez, il a été reconnu coupable sur 9 cas de lavage d'argent, alors de blanchiment d'argent. Donc, vous voyez, encore là, ces gens-là qui sont dans l'industrie, qui sont supposément là pour votre bien, pour le bien de l'humanité, qui finalement manufacturent des trucs qui sont cancérigènes, dont personne ne veut. Donc, voilà, la TSC, écoutez, vous avez encore là un autre article très intéressant. On voit que la TSC continue de se déployer sur le territoire américain. Là, vous avez des équipes qui ont été envoyées dans des stations de train et aussi dans des ports maritimes et aussi dans différents autres systèmes de transport public. On est en train d'habituer la population à voir des agents un peu partout. Et puis, ben là, on se retrouve avec des gens de la TSA qui se retrouvent avec qui se retrouvent avec un pouvoir finalement de conduire des missions, soit de recherche, de fouilles sur tous les Américains, même à l'extérieur des aéroports. Alors, vous voyez là, encore là, un peu ce qui se passe dans ce domaine-là. La TSC qui a été pris la main dans le sac encore là, ça c'est un agent de la TSC pour voler de l'argent de des passagers internationaux. Ça continue les scandales aussi à ce niveau-là. Ces fameux agents de la TSC qui finalement touchent le corps de vos enfants un peu partout, alors que vous tuez à essayer de leur expliquer et de leur faire comprendre qu'ils ne doivent pas normalement parler aux étrangers et encore moins se faire toucher par des étrangers. Voilà pour la TSC. Ensuite, vous avez un autre de ces agents de la TSC qui a été arrêté. Lui, il travaillait pour l'aéroport de Philadelphie, l'aéroport international là-bas, et puis maintenant fait face à des accusations pour avoir distribué plus de 100 images de pornographie infantile via Facebook. Et puis, bon, évidemment que on se demande bien aussi qui a trouvé justement ces images d'enfants, hein, n'y a-t-il pas des questions assez étranges? Ne serait-ce pas justement ces gens-là qui prennent, hein, ces images-là, qui les récoltent dans les aéroports et puis les distribuent après ça sur Internet. Voilà pour ce dossier-là. Vous avez maintenant aussi les gens qui ont participé là, aux opérations de sauvetage lors des accidents, en fait, lors de l'attaque du 911. Et ces héros-là qui ont risqué leur vie pour essayer d'aller aider les gens qui étaient pris dans les décombres, eh bien maintenant, risquent de se voir dénier des frais, en fait, de se faire dénier des services de santé, parce qu'ils pourraient maintenant être considérés comme étant de possibles terroristes sous les nouvelles provisions d'un projet de loi qui va être introduit là, aux États-Unis dans le domaine de la santé. Alors, vous avez bien compris, finalement, les héros du 911 pourraient maintenant être traités et classifiés comme étant de potentiels terroristes. C'est comme ça que ça fonctionne aux États-Unis. Vraiment, c'est pas quelque chose de très, très fantastique. Metzger, ça c'est le chef des rabbins ashkénazis, qui a déclaré qu'il n'est pas en train de faire une prophétie, là. Qui lui est juste en train de finalement d'être le reflet des sentiments des Juifs américains qui supportent les élections du président américain. Et lui, il a déclaré que Obama devrait relâcher M. Pollard ou ben non, devrait faire face à la possibilité de perdre des élections qui s'en viennent aussi aux États-Unis très bientôt. Alors, voyez un peu encore là le pouvoir sioniste, le pouvoir du vote juif aux États-Unis. Encore là, c'est pas faire de l'antisémitisme ou du racisme ou quoi que ce soit, Moi, ici, malheureusement, je fonctionne pas avec les doubles standards, OK? Donc, c'était des Arabes qui avaient une influence aussi énorme et pourraient menacer même le président de ne pas être réélu, ben j'en parlerais parce que ce serait vraiment d'intérêt public, OK? Si vous aviez des Russes ou ben non des bouddhistes qui feraient la même affaire, ben j'en parlerais, OK? Là, malheureusement, ça tombe dessus le peuple qui vraiment on n'a pas le droit de critiquer, même si c'est complètement légitime. Et puis, ben, j'ai nommé ici, évidemment, les Juifs et sionistes, quoi. Donc, ces gens-là vont menacer le président de perdre les élections s'il ne libère pas Pollard. Pollard, c'est qui? C'est un méga espion qui travaillait justement pour Israël et qui a volé des secrets militaires, des secrets nucléaires, toutes sortes de secrets d'État très, très, très, très importants et qu'on a emprisonné aux États-Unis. Et il a été bien chanceux, lui, qui n'a pas habité justement dans un pays où tout simplement il aurait été pendu au bout d'une corde. Alors, non seulement les Israéliens ne sont pas assez satisfaits justement du fait que ce gars-là au moins soit encore en vie, mais emprisonné aux États-Unis, on réclame qu'il soit libéré. Et on menace le président que s'ils ne le font pas, ben qu'il risque de perdre des élections. Alors, réellement, là, vous voyez un peu là le pouvoir justement que ces gens-là ont sur le gouvernement américain. Et puis, on doit rappeler, là, comme le propriétaire du site où je prends beaucoup de mes nouvelles sur What Really Happened, qui dit, lui, qu'on devrait justement se rappeler que le gouvernement ne peut pas servir deux maîtres. Alors, un gouvernement qui sert Israël ne peut pas servir le peuple américain. Voilà un peu pour ce dossier-là. Monsieur Pollard, on en parle un peu. Vous avez Donald Trump, lui, qui va se présenter comme républicain. Ça aussi, ça va diviser encore plus, évidemment, le vote chez... le vote qui soutient Ron Paul aux États-Unis, qui, à mon avis, est l'homme le plus intègre et puis qui serait le meilleur, en tout cas, des gens qu'on voit sur la scène là, aux États-Unis, là, des meilleurs pour mener les États-Unis. Vraiment un gars honnête, franc et puis qui a à cœur justement le bien du public. Alors, réellement, là, Donald Trump qui s'insère dans. Sur la scène politique aux États-Unis pour tout simplement foutre la bisbille puis diviser le vote pour Ron Paul. Donc, Ron, OK, donc voilà. Et puis, dernière nouvelle de l'actualité, au Vermont, ben on est en train de préparer, en fait, un amendement important qui ferait en sorte que on arrêterait de faire en sorte que les corporations, les compagnies soient considérées comme des personnes, comme nous, comme vous. Alors, ça aussi, c'est tout un détail, hein, peut-être qui pourrait changer bien des affaires dans notre vie politique et puis notre vie en général, si justement on ferait en sorte que les compagnies privées, hein, ne soient pas capables d'être considérées comme des êtres humains. Ils ne sont pas des êtres humains, ce sont des illusions fictives et puis devraient être traitées comme telles. Okay? Donc, voilà pour ce dossier-là. Ensuite. Ben écoutez, rapidement, là, avant la pause, l'économie, vous avez le prix de l'essence qui continue à augmenter de façon assez prononcée. Vous avez plusieurs nouvelles là, à ce niveau-là, des vidéos, les conducteurs aux États-Unis qui commencent à manquer de plus en plus de pétrole sur la route. Alors, les gens essayent d'économiser l'essence et puis essayent d'étirer de plus en plus leur réservoir d'essence. Et puis, ce qui arrive, ben, c'est que vous avez 18% d'augmentation du nombre de personnes qui tombent en panne sèche le long de la route. Alors, ça vous dit un peu là à quel point que les gens sont frappés de plein fouet en Amérique, en tout cas aux États-Unis, au Canada, par l'augmentation catastrophique du prix du pétrole. Vous avez MSNBC qui parle justement que c'est Wall Street qui est derrière ces hauts prix du pétrole et puis de la nourriture et qui aurait causé justement l'instabilité dans les pays arabes. Alors, bon, ça reste à voir là, si c'est la seule cause, mais évidemment que ça a été un élément déclencheur, possiblement, en tout cas certainement, en Égypte et en Tunisie. Ensuite, dans une autre nouvelle, on apprend que justement ces prix de l'essence, on peut s'attendre à ce qu'ils continuent d'augmenter. Et que ça commence à faire justement une combinaison assez meurtrière, donc les prix élevés de l'essence et de la nourriture qui commencent réellement là, à affecter les budgets des familles un peu partout là, au niveau de la planète. Vous avez d'ailleurs 6 des dernières récessions aux États-Unis depuis les années 70, à part celle du 9-1-1. Qui ont été liés, sinon carrément déclenchés par les prix de l'énergie. qui avait augmenté alors de plus de 6 %, qui en fait prenait plus de 6 % du budget familial. Okay? Donc, on a mesuré ces différents facteurs-là, puis on a remarqué que lorsque les prix de l'énergie prenaient plus, en fait, plus de 6 % du budget familial, eh bien, on rentrait en récession pas longtemps après. Donc, on est rendu après là. En fait, on est rendu, nous autres, là, quasiment à une dépression, là, avec les niveaux incroyables qu'on est en train de vivre en ce moment, là. Les prix de la nourriture qui ont augmenté, hein, qui prennent maintenant entre 7,5 et 7,8 % du budget familial. Vous avez justement ces prix de nourriture qui ont augmenté de plus de 6,5 % depuis le début de janvier, selon The Consumer Growth Partners. Donc, vous avez le prix combiné de la nourriture, qui est du pétrole qui augmente et puis qui commence à créer justement là, tout un stress là, sur le budget familial. Donc, on disait que la dernière fois que ce truc-là se sont passés, c'était durant la récession qui avait duré entre 1973 et 1975 aux États-Unis. Et on estime d'ailleurs que la nourriture et le prix de l'énergie, donc du pétrole, maintenant, ensemble, combinés, prennent plus de 15 % du budget familial. Donc, vous voyez, là, on compare avec ça. On compare à ça, il y a 2 ans, ça coûtait 12,7 % du budget pour couvrir ces deux secteurs-là. Donc, on voit là, réellement que, oui, ces trucs-là vont affecter le budget des gens, de la population, que oui, ça va évidemment faire en sorte qu'on va continuer encore plus profondément dans cette récession, slash dépression, et qu'en réalité, on se retrouve dans une situation économique qui est comparable, sinon pire, aux États-Unis à la Grande Dépression des années 30. En tout cas, c'est certain que ça va être considéré comme tel par les futurs historiens. C'est assez dramatique. Ensuite, ben, vous avez le maïs et puis le soja qui continue d'augmenter aussi, alors qu'on a de mauvaises récoltes aux États-Unis. La température qui menace des récoltes, trop froid, trop humide aux États-Unis. Donc, vous avez le prix de ces trucs-là qui augmente aussi de façon importante. McDonald's, d'ailleurs, qui a averti qu'ils vont devoir augmenter aussi eux autres leur prix. Hein, donc, au menu, graduellement, vous allez voir le prix de leur nourriture augmenter. Donc, voyez, là, je parle de ça pour donner un exemple un peu de vous montrer à quel point ça se propage partout à l'économie. Ensuite, vous avez 30 % des Canadiens qui disent ne pas avoir assez d'argent pour vivre tous les jours. Ça a été rapporté par The Canadian Press. Donc, à peu près un tiers des Canadiens qui ont répondu à un sondage qui a été tenu et puis soutenu par la banque canadienne, par une banque canadienne majeure, a déclaré que ces gens-là n'avaient pas assez d'argent pour couvrir tout ce qu'ils avaient à payer, donc quotidiennement et puis hebdomadairement et mensuellement. Donc, on n'a pas assez d'argent là pour vivre, littéralement. Donc, ça a été une étude qui a été faite par TD Canada Trust, dont vous avez trouvé que 50 % des répondants, des 1 003 personnes qui ont répondu, ont dit que c'était une vraie lutte ou même quasiment impossible de faire des économies, alors de pouvoir faire des économies, tout simplement, de pouvoir sauver un peu d'argent. Donc, c'est quand même assez particulier parce que vous avez de la tiers de la population qui n'arrive même pas à mettre de côté 1 $. Donc, voyez un peu, là, ça commence à affecter pas mal tout le monde. Et j'imagine qu'il y a des solutions. En tout cas, ça va faire en sorte qu'il y avoir probablement des nouvelles tendances. Et puis, une nouvelle ici, on parle de ça. Il y a la tendance vers le jardin est assez grande. Vous avez de plus en plus de gens maintenant qui se retournent vers leur propre jardin pour faire pousser leur propre nourriture. Donc, c'est évidemment des bonnes solutions. Il y a des choses à faire. Et puis, ça t'en est une, évidemment. Je vous encourage fortement à avoir un beau jardin bien rempli de nourriture et puis de faire des conserves. Il faut retrouver notre indépendance et puis assurer notre propre sécurité alimentaire. Un autre signe comme ça que la nourriture commence à augmenter de prix et puis atteint des proportions assez inquiétantes, Une nouvelle encore ici de Natural News où on apprend qu'il y a eu un vol important de viande aux États-Unis. Et puis ça, c'est assez particulier aussi. Vous avez le crime organisé qui ont mis sur pied un vol assez important de camions. Alors, on a volé des camions qui contenaient beaucoup de produits et puis de viande qui valaient plus de 300 000 $ américains. Donc, quand c'est rendu que maintenant vous avez les groupes organisés qui commencent à voler hein, des camions contenant de la viande, eh bien, c'est parce que ça commence à être profitable. Ensuite, ben, dans une autre nouvelle, je vous rappelais ici que justement, face à tout ça, ben, vous avez des gens qui se préparent, dont Obama, lui, Obama, qui avait donné l'ordre à l'armée de se préparer justement pour des révoltes de la nourriture ce printemps-ci. Alors, ça avait été publié le 13 janvier 2011, mais je le rapporte à votre attention, surtout à la lumière de la prochaine nouvelle où on parle ici du gouvernement qui cherchait, a fait un appel d'offres là, pour trouver quelqu'un pour imprimer 350 934 books du détenu, donc en fait des livres, excusez-moi, des livres du détenu national. Alors, on cherchait quelqu'un pour publier ces quelques 300, presque 51 000 livres pour le 21 avril 2011. Alors ça, c'est des livres qui sont donnés à des prisonniers alors qu'on les amène dans des prisons du FEMA. Donc, on se demande évidemment pourquoi le gouvernement, lui, a fait un appel d'offres pour soudainement publier tout d'un coup. Là, c'est pas vraiment de quoi qui est normal, là. Tout d'un coup, là, pour publier un paquet de livrets comme ça, des livres d'information pour des nouveaux prisonniers du FEMA. Donc, différentes vidéos qui sont là pour voir ça, plus de confirmation qu'il y a justement une poussée par le gouvernement américain de se préparer et de préparer des camps, des camps de concentration. Alors, ça peut paraître assez vraiment délirant d'entendre ça, mais écoutez, les nouvelles sont là. Je veux dire, vous avez des nouvelles à aller voir, là, donc allez voir ça vous-même, là. Je veux dire, il y a vraiment de quoi s'inquiéter, là. C'est pas des farces. D'ailleurs, vous avez un peu cette mentalité-là qui se traduit un peu sur la scène partout aux États-Unis. Vous avez d'ailleurs un républicain du nom de Duncan Hunter qui lui a déclaré qu'il aimerait voir une dictature conservatrice prendre place aux États-Unis. Alors ça, c'était lors d'une entrevue qu'il a donnée à Fox News la semaine passée, qu'il a déclaré ça et qu'il disait qu'il regrettait qu'il n'y avait aucune dictature républicaine. Alors, lui, il aimerait voir ça. Donc, vous voyez, il aimerait avoir un genre de dictature républicaine, là, conservatrice, qui pourrait dicter tout. Donc, pourrait dicter tout ce qui se passe aux États-Unis. Donc, ça vous montre un peu, là, ça trahit un peu justement là, la façon de penser de ces gens-là. T'sais. Ben, l'Arabie Saoudite qui vient de donner un bon coup d'un côte aussi aux États-Unis, reste à savoir s'il n'y a pas un jeu qui se joue là-dedans, mais quand même. Pendant qu'on attaque la Libye, ben, les États-Unis s'attendaient à ce que justement les pays arabes, dont surtout l'Arabie Saoudite, compensent dans la perte de pétrole qui est mise sur le marché. Et puis, ce qui est arrivé, ben, c'est que l'Arabie Saoudite s'est retournée de bord cette semaine et a déclaré qu'elle ne mettrait pas plus de pétrole sur les marchés, alors n'augmenterait pas la production, ce qui évidemment contribue à faire augmenter les prix de pétrole, en plus des spéculateurs, eux autres, qui spéculent à la hausse sur le pétrole, qui font en sorte que vous payez plus à la pompe. C'est évident que le pétrole, lui, ne coûte pas plus cher, là. Le pétrole, il coûte le même prix, sauf qu'on vous charge plus d'argent et puis il y a des gens là-dedans, à quelque part, qui se font énormément d'argent. Et ben, vous avez évidemment ces gens-là en Arabie Saoudite, vous avez les compagnies pétrolières et vous avez les spéculateurs qui, eux autres, là, se frottent les mains, se régalent des prix élevés de pétrole alors que vous, vous êtes en train d'en mourir à la pompe. Grosso modo, vous avez les pays de l'OPEC qui ont tout simplement là, mis une trappe à terre et puis vous avez Obama, les États-Unis, qui ont mis le pied dedans, directement, ont mis le pied dedans. Là, ça va faire très mal à Obama. Puis, ce qui est certain, c'est que Obama doit savoir maintenant qu'il ne peut pas envahir l'Iran, peu importe ce qu'Israël veut, parce que là, l'OPEC est en train de démontrer qu'ils ne vont pas couvrir, ne vont pas ramasser les pièces hein, qui vont tomber au sol avec des manques justement de production de pétrole. Ça, là, c'est une nouvelle assez importante. aller voir pour vous les Saoudis, donc les Arabiens, les Saoudiens, excusez-moi, qui maintenant coupent dans la production de pétrole. Et eux autres ont déclaré que justement, il y avait trop de pétrole sur le marché, qu'on n'avait pas besoin de faire ça. Donc, les États-Unis sont évidemment dans une position de faiblesse assez importante là-dedans, qui a été évidemment causée par la corruption du gouvernement et aussi de l'hémorragie de vastes sommes d'argent pour essayer d'acheter de façon frauduleuse, disons-le, toutes sortes d'affaires. Donc, les dettes, par exemple, là, du marché domiciliaire aux États-Unis. Donc, vous avez aussi de l'argent qui est allé vers Wall Street pour les plans de sauvetage et puis ces milliards de dollars-là pour l'armée. Alors, d'ailleurs, vous allez voir différents graphiques à propos de ça que je vous ai mis en ligne dans les nouvelles de l'économie. Alors, ça aussi, vous allez voir là qu'il y a des nouvelles assez importantes où on montre là, justement l'importance de la dette américaine et puis surtout aussi des dépenses du gouvernement américain qui investit énormément d'argent justement dans l'armée. Et après ça, on se demande pourquoi ces gens-là sont dans le trou financier. Il n'y a pas rien que ça aussi, vous avez la crise du pétrole qui risque de devenir encore bien pire. Pourquoi? Bien, parce que là, vous avez Sinopec. La compagnie, je pense, la compagnie pétrolière la plus importante, c'est un géant pétrolier chinois qui, lui, a arrêté, ils ont tout simplement cessé d'exporter des produits du pétrole pour maintenir leur niveau de pétrole là, à l'intérieur du pays, pour essayer de stabiliser la situation là-bas, parce qu'eux autres aussi, là, ils ont un certain manque à gagner. Surtout du fait que, ben, écoutez, leur investissement qu'ils avaient fait au Moyen-Orient et puis surtout en Libye, ont été tout simplement anéantis. Vous savez, les Chinois ont été obligés de retirer 30 000 personnes de la Libye lorsque les bombardements ont commencé. Donc, les États-Unis ont un peu fait échec aussi à la Chine qui, elle, est en train de faire des ententes commerciales partout avec des pays africains. Donc, vous avez les États-Unis qui n'aiment pas bien ça, qui sont en train de s'accaparer toutes les ressources pétrolières sur la planète. Alors, vous avez l'attaque de la Libye qui a évidemment servi aussi ces intérêts-là. Donc, essayer de repousser la Chine et puis de sortir la Chine de l'Afrique du Nord et puis du Moyen-Orient. Donc, la Chine n'a pas vraiment apprécié aussi. Donc, là, vous avez la réplique qui arrive. Donc, vous avez une genre de guerre économique qui est en train de se jouer. Donc, réellement. Et puis, ben, vous savez, comme vous savez, des guerres économiques mènent à des réelles guerres militaires. Donc, ça, c'est une nouvelle extrêmement importante aussi. Alors, Sinopec qui a tout simplement cessé ses exportations de pétrole pour au moins, en tout cas, une période temporaire, mais qui va durer au moins sûrement quelques semaines, c'est pas des mois, et on verra en tout cas pour combien de temps. Ça aussi, là, c'est des nouvelles majeures, extrêmement importantes. Ensuite, c'est officiel, vous l'avez, la Chine qui va aussi larguer de plus en plus sa dette américaine, donc ses bons du trésor, la Chine qui possède en fait la plus grande réserve de dollars américains. Donc eux, on commence au niveau de la Chine là, de revendre cette dette-là, donc on est en train de se débarrasser de cette réserve de dollars américains. Et commence à diversifier ses investissements et puis aussi à transférer cette valeur-là dans les métaux précieux, dont l'or. La Chine qui a d'ailleurs encouragé aussi les Chinois à s'acheter de l'or le plus possible, de l'or et de l'argent de métaux précieux. Et vous allez voir aussi, ben, en tout cas, si vous ne saviez pas, là, le prix de l'or a passé la barre des 1 500 $ l'once et on se rapproche très, très, très près, là, en tout cas, là, de la barre des 50 $ pour l'once d'or, d'argent, excusez-moi. Donc, l'argent là qui atteint des sommets aussi là, cette semaine, ça sort très fort à chaque jour, là, et puis on a connu des augmentations importantes. Donc, écoutez, là, incroyable, l'Arabie Saoudite, vous avez la Chine qui tout simplement là restreint la quantité de pétrole disponible, la Chine qui largue les dollars américains. Donc là, ça regarde vraiment pas bien pour le dollar américain là, qui est vraiment sur le bord du précipice. Et puis, on risque d'assister à des trucs là, des mouvements assez importants, peut-être même assez violents là, au niveau de l'économie, au niveau mondial. Donc, ça va être aussi à garder en tête, parce que là, Là, vous risquez de voir la Fed aux États-Unis de continuer de pomper de l'argent encore plus dans le système 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et qui, en fin de compte, va tout simplement finir d'achever le dollar américain en créant une inflation très grave. Voilà vraiment là, l'histoire est pas mal en place. La Chine qui, tout simplement, là, a décidé d'acheter cette dette américaine-là, on vient de porter un dur coup. L'Arabie saoudite qui en a fait de même. Allez voir ça là, concernant justement l'histoire de la Chine et puis aussi des métaux précieux. Différents graphiques là, qui vous montrent justement le prix du pétrole. D'ailleurs, des affaires assez curieuses, vous allez voir ça. Il y a un lien qui s'appelle en anglais le 24 Hour Spot Gold. Allez voir ça, cliquez là-dessus, vous allez trouver différents graphiques assez curieux où on voit que les métaux précieux avaient tendance à vouloir augmenter. Et puis là, tout d'un coup, on se retrouve avec des lignes horizontales. Tu sais, normalement, c'est un peu comme un cardiogramme là, avec des prix là, des métaux précieux qui montent, qui descendent, qui montent, qui descendent. Donc, on voit là, différents pics là, sur les graphiques. Et puis, curieusement, comme on ne voit jamais arriver, là, on voit tout simplement pendant quelques heures. On dirait que le prix de l'or a été, et puis le prix de l'argent a été complètement gelé. On dirait qu'on a tout simplement gelé le prix. Et puis là, tout d'un coup, au lieu d'osciller à la hausse et à la baisse, on se retrouve avec des lignes horizontales, là, sur des. Écoutez, vous avez une ligne ici qui part à peu près de 10 heures jusqu'à 2 heures de l'après-midi. Après ça, boum, ça augmente. Et puis après ça, un autre bord horizontal pendant environ 4 heures encore. Et puis le phénomène est encore plus prononcé avec l'argent où tout simplement là, à partir de quasiment, je dirais, 1 heure du matin jusqu'à 5 heures le soir, on a tout simplement là, un prix plat de l'argent. Alors, on voit des manipulations ici importantes dans le prix des métaux précieux, ça c'est évident. Il y a la banque Scotia ici aux États-Unis qui est le plus grand dépositaire de pièces d'argent et d'or physique qui, eux autres, ont décidé de reclassifier une grande partie de ses réserves d'or, d'argent en fait, et c'est d'argent qu'on parle dans cet article. Et puis, ce qui fait, c'est que finalement, on a retiré, si vous voulez, de la circulation, en fait, si vous voulez, de la réserve d'argent qui peut être achetée par des clients. On a diminué cette réserve-là d'environ 13% du jour au lendemain, boum, en 24 heures comme ça, parce que justement, on est en train de s'apercevoir que il y a de plus en plus de gens qui veulent entrer en possession physique de leurs métaux précieux et puis que on n'en a pas assez justement pour finalement remplir tous les contrats qu'on a signés. C'est-à-dire qu'on a vendu beaucoup plus de contrats en papier, tu sais, les gens achètent des contrats qui disent que bon, ils possèdent de tant de quantités d'or et d'argent et qui sont gardés dans un coffre en sécurité à quelque part. Mais en réalité, c'est qu'on en a vendu, on a vendu beaucoup plus de métaux précieux qu'il n'en existe réellement. Et puis là, ben, vous avez des banques qui commencent à faire à se positionner, dirais-je, pour justement une éventualité où de plus en plus de personnes viendraient acheter l'or et puis ils seraient acculés au mur en avouant qu'ils n'ont même pas les réserves pour soutenir tout ce qu'ils ont vendu. Même affaire à l'Université du Texas, ici, vous avez, ça s'appelle The University of Texas Investment Management Company, la deuxième, en fait, en quantité, là, en importance aux États-Unis. Dans ce domaine-là, qui, eux autres, ont pris, justement, sont fait livrer. Pour l'équivalent de presque 1 milliard de dollars en pièces d'or ici. Vous voyez, c'est un autre exemple de ça, de plus en plus de gros joueurs importants, même des banques centrales qui achètent des métaux précieux. Vous voyez un peu là, toute cette histoire-là qui se déroule là, directement sous vos yeux. Vous avez la Banque centrale au Bélarus, celle qui a cessé aussi ses ventes d'or pour rouble. Alors, vous voyez, là, il y a beaucoup de mouvements à ce niveau-là. Les dettes ici aux États-Unis qui augmentent, je vous ai mis quelques chartes, comme je vous disais un peu plus tôt, à ce sujet-là. Les dépenses militaires américaines comparées au reste du monde, vous allez voir que les dépenses militaires américaines comptent pour 42,8 % de toutes les dépenses militaires mondiales. Donc, écoutez, vous avez même l'Allemagne, par exemple, à 2,8 %, la France à 3,7, la Chine à 7,3. Vous avez la Russie qui dépense seulement 3,6 % de toutes les dépenses militaires mondiales. Donc, ça coûte évidemment des beaux dollars et c'est ce qui fait que les États-Unis sont en train de se ruiner, littéralement en train de se ruiner. The Bank of America, donc un analyste qui provient de la banque The Bank of America, qui lui est en train de mettre en mots l'impensable, c'est-à-dire que on est peut-être en train de préparer justement intentionnellement aux États-Unis là une façon de faire défaut sur leur dette. Alors on est en train de se préparer à ça. Il y a de plus en plus de personnes qui commencent à discuter de ça, donc de la banqueroute carrément des États-Unis. Ça pourrait arriver dans les temps à venir. Ne soyez pas surpris si ça arrive à venir. Vous savez, le revenu des États aux États-Unis qui a baissé énormément, la plus grande baisse en fait en 60 ans. Donc c'est énorme, évidemment. On a envoyé les emplois à l'étranger. Donc les gens n'ont plus d'emploi. C'est assez logique. Lorsque les gens n'ont plus d'emploi, ne paient plus de taxes, ne paient plus d'impôts. Et puis, c'est l'État qui, en bout de ligne, accuse un très grave manque à gagner. Donc, c'est la tiers-mondialisation des États-Unis, chers amis. Et puis, en 12 ans, ben, le revenu des 400 Américains les plus riches, ben, eux autres, ont vu leur revenu augmenter, de 4 fois. Alors, ont quadruplé leur revenu. Donc, pour ces gens-là, ça va bien. Plus les riches, en fait, les riches deviennent de plus en plus riches, les pauvres deviennent de plus en plus pauvres. Hein? Ça semble assez cliché de dire ça, mais c'est quand même ça. Et puis, ben, il y a tout le temps de l'argent pour l'armée. Vous avez dans une autre nouvelle ici, on apprend que les États-Unis ont trouvé 1 trillion de dollars, alors 1 000 milliards de dollars, pour opérer les nouveaux F-35. Alors, vous savez, il n'y a jamais, il n'y a plus d'argent, l'État est complètement en banqueroute, mais on trouve tout le temps des milliards, écoutez, 1 000 milliards de dollars pour le département de la Défense et l'armée. Donc, ça, pour eux autres, il y en a de l'argent. Pendant ce temps-là, bon, on a fermé 6 autres banques aux États-Unis, donc des banques en Alabama, au Minnesota, Minnesota, ailleurs aussi. Et puis, ça porte le total à 34 banques aux États-Unis qui ont fait faillite depuis le début de 2011. Écoutez, vous avez des gens qui commencent à être pas mal dégoûtés de tout ça. Ici, vous avez une vidéo d'une personne qui a déclaré justement qu'elle ne veut pas remplir son rapport d'impôt. Elle ne veut rien savoir de ce gouvernement criminel. Elle ne va sûrement, certainement pas financer un gouvernement de cette sorte. Et le gouvernement qui a ordonné 14 prêteurs aux États-Unis à rembourser des propriétaires de maisons parce que justement ces gens-là avaient imposé des pénalités financières qui étaient inappropriées, qui étaient frauduleuses. Alors voilà donc des pénalités là, sur évidemment des saisies de maisons. Mais c'est encore là. Écoutez, là, c'est tellement ridicule. Imaginez qu'une personne qui a investi 250 000 personnes dans sa maison, et puis se l'est vue faite reprendre par la banque, et puis ces banquiers-là se sont fait prendre pour justement avoir repris de façon illégale, saisi une maison parce que toute la paperasse, la documentation est complètement illégale et frauduleuse. Et puis le gouvernement a ordonné à ces gens-là de payer 25 000 de dollars d'amende. Alors, pensez à ça. Alors, pour chaque 250 000 dollars qu'un banquier a volé et s'est fait prendre avec, ils ne vont qu'à avoir à payer 25 000 dollars aux principaux intéressés. Et puis, personne ne va à la prison. Donc, belle, méchante belle justice du gouvernement. Et puis après ça, on vous demande d'aller voter pour ça à toutes les années. Ben oui. Hein? On vous demande d'aller voter à ça, pas à toutes les années, en fait, aux 4 ans. Donc, après ça, on vous dit que vous vivez là dans une démocratie, que vous avez du pouvoir de choisir les gens qui vous représentent. Wow! C'est incroyable. Et quel choix qu'on a, mais quel choix! On a le choix entre le pourri, celui qui est corrompu, on a le choix entre le sale menteur, puis l'autre qui est vendu, puis qui sert une nation étrangère. Incroyable. Donc, voilà. Alors, on poursuit maintenant avec le dossier du Japon, de Fukushima. Donc, les dernières informations les plus importantes à ce dossier avant de nous quitter. Après ça, je vais vous inviter à quand même suivre, comme je vous disais, Sans Papier et puis les nouvelles internationales où je vais continuer quand même de faire certaines mises à jour à propos de ce dossier très important. que je ne peux cesser tout simplement de traiter parce qu'évidemment, on a un gros problème avec l'information qu'on en a et puis qu'on retrouve un peu partout dans les médias. Donc, d'ailleurs, ça a été le titre de mon dernier article qui s'appelle Fukushima, information et désinformation. Énormément de désinformation, énormément de non-dits. De contrôle de l'information dans ce dossier-là. Ça a tout le temps été le cas, anyway, dans le domaine du nucléaire et d'autant plus lorsqu'on a une catastrophe comme c'est le cas présentement au Japon. Donc, il est bien difficile là, vraiment là, d'avoir tous les chiffres, d'avoir toutes les données. Et un grand exemple de ça, ben écoutez, c'est la semaine passée hein, où on a annoncé que Fukushima avait été classé au niveau 7, le plus haut échelon de l'échelle en termes de gravité des accidents nucléaires civils. Les gens qui suivaient la situation de proche en étaient déjà conscients depuis des semaines, mais il leur a fallu un mois aux autorités japonaises pour révéler au public ce qu'ils savaient depuis un mois. En effet, les autorités japonaises ont été contraintes d'expliquer pourquoi il leur a fallu aussi longtemps qu'un mois pour rendre public les rejets à grande échelle de matière radioactive à la mi-mars. Donc, provenant de la centrale nucléaire de Fukushima. Lorsque le gouvernement a annoncé le 12 avril qu'il avait relevé le niveau de la gravité de l'accident dans le complexe nucléaire de Fukushima Daiichi à 7, le pire à l'échelle internationale, le Japon avait fondé cette décision en grande partie sur des modèles informatiques montrant les lourdes émissions d'iode radioactif et le césium entre le 14 et le 16 mars. Peu de temps après le séisme d'une magnitude de 9,0 et le tsunami qui a rendu les systèmes de refroidissement d'urgence de l'usine inopérants. Alors, ce retard de près d'un mois, c'est-à-dire qu'on savait dès le 14, 15 et 16 mars qu'on avait affaire à une situation d'ordre de niveau 7, on l'a gardé secret, on n'en a pas parlé. Ça a pris un mois avant de reconnaître publiquement l'importance de ces émissions. Et c'est un nouvel exemple encore de ces données, ces analyses qui portent à confusion et ce qui a mis aussi les autorités sur la défensive quant à savoir si elles ont retardé ou bloqué la diffusion de l'information pour ne pas alarmer le public. D'ailleurs, il y a Seiji Shiroya qui est un commissaire de la Commission de la Sûreté nucléaire du Japon, un groupe indépendant qui supervise l'industrie nucléaire du pays, qui a suggéré que il y avait une raison d'ordre public pour avoir gardé le silence. Il a déclaré, je cite, certains étrangers ont fui le pays, même s'il semblait y avoir que peu de risques, dit-il. Si nous avions immédiatement décidé d'annoncer que la situation était de niveau 7, nous aurions pu déclencher une réaction de panique. Les émissions de particules radioactives ont atteint un sommet après les explosions d'hydrogène dans les trois réacteurs de Fukushima. Ça a d'ailleurs été rapporté par le Seattle Times et le New York Times. La majorité des Japonais ne font pas confiance à ce que leur gouvernement et TEPCO leur racontent concernant la situation à Fukushima et avec raison. D'autant plus, le gouvernement du Japon vient d'officiellement d'émettre une ordonnance aux sociétés de télécommunications ainsi qu'aux webmestres de censurer les rapports qui contredisent les communiqués de presse de l'État selon lesquels la catastrophe nucléaire de Fukushima serait sous contrôle et terminée. La nation a officiellement donné l'ordre aux sociétés de télécommunications et aux webmasters de supprimer le contenu des sites Internet qui contre la position officielle du gouvernement que, selon laquelle la catastrophe est sous contrôle et qu'il n'y aurait plus de menaces provenant des radiations. Alors, ça a été d'ailleurs apporté par les Asia Pacific au Journal. Et on apprend justement que le gouvernement affirme que les dommages causés par les tremblements de terre et par l'accident nucléaire sont amplifiés par les rumeurs irresponsables et qu'ils doivent, dit-il, prendre des mesures pour le bien du public. L'équipe du projet a commencé à envoyer des lettres de requête à des organisations comme les compagnies de téléphone, fournisseurs d'accès à l'Internet, chaînes de télévision par câble, ainsi qu'à d'autres, exigeant d'eux qu'ils prennent les mesures appropriées basées sur les lignes directrices en réponse à des informations illégales, disent-ils. Alors, les mesures comprennent d'effacer toutes les informations provenant de sites Internet que les autorités jugent nuisibles au moral et à l'ordre public. Incroyable, rapporté par The Asia Pacific Journal. Alors, la Commission de la Sûreté nucléaire du Japon a publié seulement deux simulations par ordinateur des estimations de la dispersion des substances radioactives depuis l'accident nucléaire à la centrale de Fukushima Daiichi, alors que plus de 2 000 d'entre elles ont été réalisées, selon les déclarations de sources proches de ce dossier. Il y a aussi le Christian Science Monitor qui notait récemment que Yuli Andreev, un spécialiste russe dans le domaine des accidents nucléaires, qui, en tant que directeur de l'agence de nettoyage soviétique Spetsatom, ayant contribué il y a 25 ans aux efforts pour nettoyer Tchernobyl, a également accusé l'Agence internationale de l'énergie atomique d'être trop près des entreprises. Lui, il a déclaré qu'il ne s'agit que d'une fausse organisation parce que chaque organisation qui dépend de l'industrie nucléaire, et évidemment l'Agence atomique dépend de l'industrie nucléaire, ne peut pas fonctionner correctement. En fait, les gens de l'Agence internationale de l'énergie nucléaire n'ont même pas eu le courage d'entrer sur les lieux de Fukushima pour se rendre compte de la situation. Et les grands patrons de TEPCO se défilent sans cesse. Écoutez, le grand patron de TEPCO même a déclaré qu'il était surmené, il souffrait de surmenage. Hein, le pauvre monsieur a dû être hospitalisé parce qu'il était fatigué. Il était fatigué. Hein? Écoute, c'est fatigant. Fatigant faire de l'argent puis mentir pendant des décennies. On a des preuves maintenant qui sortent une derrière l'autre. De plus en plus de médias même en parlent. TEPCO qui a caché ça. On parle de TEPCO, là, c'est le dossier japonais. C'est pas parce qu'on parle du dossier japonais que ça, c'est pas une donne générale qui s'applique partout. OK? Parce que c'est la même affaire en Europe, c'est la même affaire en Amérique, c'est la même affaire partout. OK? Dès qu'on parle de domaine nucléaire, on cache les données. Lorsqu'il y a des défaillances, on passe ça sous silence. Lorsqu'il y a des rénovations coûteuses qui doivent être faites ou de l'entretien coûteux, on retarde ces trucs-là le plus longtemps possible. Il y a plusieurs accidents comme ça et des incidents qui se produisent qui ne sont même pas déclarés publiquement. C'est tout le temps la même chanson. Il n'y a aucun risque pour la santé et la sécurité humaine. Et puis, c'est pour ça que je tiens à le dire, parce que là, on parle de TEPCO ici au Japon, mais c'est la même affaire partout, OK, là, donc, vraiment, là. Alors, écoutez, je poursuis, là. Les gens, les grands patrons de TEPCO se défilent sans cesse, et puis on voit, je vous ai mis en lien aussi une vidéo, on peut voir des images normalement dissimulées. On ne veut pas montrer ces images-là, parce que c'est à crever le cœur, écoutez. On voit ces braves travailleurs de TEPCO qui sont envoyés à leur mort certaine, une mort en différé, mais une mort certaine, à long terme ou à court, moyen terme, on verra, dans cette vidéo, on les voit passer à bord d'un autobus dans leur habit de protection contre les radiations, qui sont en route pour aller réparer les dégâts à Fukushima, essayer de prendre contrôle de la situation. Et tout ça pendant que le grand patron de TEPCO disparaît en se plaignant de stress et d'être sous énorme pression. Il est fatigué. Et que les gens de l'industrie de l'énergie nucléaire nous chantent qu'elle est propre et sécuritaire. Hein, comme ce fut le cas dernièrement encore, même de la part du directeur de General Electric, Jeffrey Immelt, qui est en visite au Japon suite à la déconfiture des réacteurs Mark I que GE a construit. Alors eux, ces grands du nucléaire, eux, ils engrangent des milliards de dollars en profit avec cette industrie nucléaire. Mais lorsque ça tourne au vinaigre, comme à Fukushima, à Tchernobyl, hein, à Three Mile Island, et j'en passe, ils ne vont jamais régler leur désastre eux-mêmes. Hein? On les voit jamais passer en autobus avec les habits de protection pour aller rentrer sur le site. Les gens de l'Agence internationale de l'énergie nucléaire n'ont même pas le courage d'entrer sur les lieux, d'aller se rendre compte eux-mêmes de la situation. Ben non. Bien sûr que non. Ils envoient les pauvres petits travailleurs qui ont un courage et une dignité qu'ils n'auront jamais, eux, grands patrons à la merde. Des travailleurs ayant décidé, au bas mot, de sacrifier leur vie pour tenter d'éviter le pire. Pourquoi on n'enverrait pas ces gros patrons bien gras, ces gens du gouvernement et du lobby de l'industrie nucléaire, aller constater les dégâts et les nettoyer eux-mêmes? Eux qui nous disent que c'est sécuritaire, qu'il n'y a pas de danger pour la santé humaine. Pourquoi ne pas aller les envoyer? Pourquoi pas, hein? Imaginez, bien que ce soit difficile à imaginer, TEPCO avait même prévu de construire deux réacteurs supplémentaires sur le site de la centrale de Fukushima Daiichi, le numéro 7 et le numéro 8, et on avait fait la demande officielle les jours suivants le début de la crise, le 11 septembre 2011. Les réacteurs de la centrale devaient entrer en opération en 2016 et 2017. Le président, qui s'appelle Masataka Shimizu, a annoncé lundi que la société avait annulé leur plan de construire les deux nouveaux réacteurs à la centrale de Fukushima, dans le nord du Japon. Et vous savez, ce n'est que la première fois depuis le 11 mars que la compagnie reconnaît qu'elle abandonnera définitivement son projet de construire de nouveaux réacteurs. Shimizu a déclaré dans son témoignage devant le Parlement japonais qu'il sera difficile de justifier la poursuite du projet d'ajouter ces deux réacteurs suite au tremblement de terre et le tsunami qui ont frappé la centrale. Il a dit que TEPCO présentera bientôt un nouveau plan au gouvernement sans les nouvelles unités. Wow! Alors, vous savez, quand c'est même rendu que Fox News accuse le gouvernement japonais d'agir de manière plus secrète que la CIA, c'est tout dire. Et cela se poursuit de plus belle. Il y a le secrétaire général du gouvernement, Yukio Edano, qui a présenté ses excuses au public à propos des déclarations faites aux médias concernant les zones autour de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi qui seraient inhabitables à long terme. Vous avez un conseiller du cabinet, Kenichi Matsumoto, qui a déclaré aux journalistes hier que le premier ministre a fait remarquer que les zones autour de la centrale nucléaire seraient inhabitables pendant une longue période. Plus tard, on le force à revenir sur ses commentaires et le premier ministre a lui-même aussi nié avoir fait une telle déclaration. Mais les rapports ont mis en colère évidemment les dirigeants locaux, dont le gouverneur de Fukushima. Edano a déclaré qu'il est regrettable que les rapports aient suscité des inquiétudes pour les résidents et a évacué la zone de la centrale nucléaire, qui d'ailleurs a été élargie à plusieurs endroits jusqu'à 50 km autour de Fukushima. Donc, c'est le langage orwellien, hein? Donc, des gens qui déclarent des affaires qui font pas mal du sens, qui sont approximativement la vérité et qui, après, sont forcés de se rétracter. Donc, ça illustre bien ce que j'essayais de communiquer dans cet article que j'appelle Fukushima, information et désinformation. Une chose est assez claire pour certains, comme le géant bancaire Morgan Stanley. Écoutez bien ça. Nouvelle renversante dont je voulais vous parler la semaine passée, j'ai pas eu assez de temps. C'est que la situation au Japon est assez sérieuse pour partir de là pour certains gros joueurs. Et quand je dis pour certains gros joueurs, ça implique aussi énormément d'argent. Il y avait un prêt de plus de 3 milliards de dollars, de 3,3 milliards de dollars. Et Morgan Stanley a simplement décidé de plier bagage et de faire défaut sur sa dette. Alors, j'imagine qu'ils avaient acheté ce bâtiment-là qui était situé au cœur de Tokyo. Un immense édifice. Et puis, Morgan Stanley a remis les clés le 15 avril sans tapage médiatique. Et puis, pourtant, il s'agissait du plus important défaut de paiement de l'histoire économique du Japon, 3,3 milliards de dollars. Alors, les gens de Morgan Stanley n'ont pas décidé de perdre de l'argent comme ça, seulement que pour le plaisir. Et puis, ce n'est pas parce que Morgan Stanley n'a pas l'argent. De toute façon, ils ont juste à prendre de l'argent des payeurs de taxes aux États-Unis avec les plans de sauvetage, puis hop, l'affaire est dans le sac. Alors, eux, ils ont préféré remettre les clés, perdre 3,3 milliards de dollars et puis partir, décarpir de Tokyo. Alors, le bon sens nous dit qu'ils savent quelque chose que nous ne savons pas ou ces gens-là peuvent lire les signes. Tokyo reçoit une quantité importante de retombées nucléaires provenant de la fusion nucléaire de Fukushima. Ils ont décidé de quitter leur investissement et de quitter le pays. Mais pour le reste de la population, autant au Japon qu'ailleurs, une seule phrase résonne partout. Il n'y a aucun risque pour la santé et la sécurité humaine. Ça va bien aller. Ça, c'était le topo important que j'avais à faire cette semaine au niveau de l'information. C'est important de pointer ces choses-là du doigt pour que les gens se rendent compte que, évidemment, faire confiance aux médias et à ce que les gouvernements nous disent dans ce domaine-là. Pas parce que dans les autres c'est mieux, là, mais en tout cas, particulièrement dans ce domaine-là, c'est un peu dangereux, là. Disons qu'il faut faire usage de son bon sens, de son gros bon sens, et de trouver des informations là où les gens vous rapportent les choses telles qu'elles sont, sans les camoufler, sans des demi-vérités ou sans tout simplement omettre des informations. Là, on a le Japon qui a admis que Fukushima émet 154 trillions de becquerels par jour, excusez-moi, en termes de radioactivité, de radiation qui sont émis dans les airs. Alors, parlez-moi d'une affaire vraiment, hein, sans risque pour la santé et la sécurité humaine. 154 trillions de becquerels par jour. Alors, vous avez d'ailleurs une vidéo, allez voir ça. Je vous ai mis aussi en lien un petit document qui s'appelle What Happened at Fukushima Daiichi. Ça a été publié le 14 avril, très, très intéressant, un petit truc là, visuel qu'on peut télécharger, donc un genre de PowerPoint. Et vous avez les liens, allez voir ça. Donc, quand même assez intéressant, allez consulter. Les tremblements de terre, ben, ça continue. On en a eu plus de 1 000 depuis le 11 av depuis le 11 mars. Là, on en a eu un dernier il y a quoi, 2, 3 jours, un de magnitude de 6,1 près de la côte est Honshu au Japon. Alors, ça continue de brasser. Ça, c'était proche de l'endroit où on a eu d'autres fuites radioactives de Ikagari. Alors, où se situe le fameux complexe de Tokaï 2? Une manufacture de carburant nucléaire et puis on fabrique aussi du MOX là. Donc ça j'en ai parlé aussi dans les émissions précédentes. Donc ça continue de brasser dans ces endroits-là, ce qui n'est pas un bon signe non plus parce que c'est pas juste à Fukushima où on a des fuites d'éléments radioactifs dans l'environnement. Une nouvelle vidéo qui a été extrêmement populaire aussi, qui a fait le tour de l'Internet, si vous ne l'avez pas déjà vu, ça s'appelle Dramatic New Video of Japan Tsunami. Alors, c'est un autre endroit au Japon là, où on voit justement ce tsunami simplement emporter un village au complet. Vraiment, oui, dramatique. C'est toute une vidéo. C'est capoté vraiment de voir ça. C'est quasiment incroyable. Là, t'sais, de voir une ville tout simplement enlevée comme ça par une vague, là, c'est quelque chose. Réellement, là, ça rend bien humble devant la nature et puis ça nous fait comprendre un peu aussi ce que les Japonais vivent en ce moment. C'est vraiment tragique. De Japan Times, ici, on parle non seulement qu'on a agrandi la zone d'évacuation de Fukushima, on l'a agrandi jusqu'à environ 50 km autour de Fukushima et on a rendu le premier 20 km de rayon. Tout simplement le inaccessible. Avant, on avait quand même des gens qui pouvaient y accéder. Vous avez d'ailleurs des journalistes qui étaient rentrés puis qui mesuraient les taux de radiation etc., etc. Et puis là, ben, vous avez le premier ministre Naoto Kan qui, lui, va tout simplement déclarer la zone de 20 km de rayon inaccessible. Alors, on va vraiment là, faire en sorte que les gens ne puissent pas accéder du tout à cette région. Des nouvelles les plus importantes de la semaine, ben, on apprend que le directeur de TEPCO a annoncé qu'il se retirerait, qu'il quitterait son poste à cause de la négligence. Alors, ça aussi, c'est une genre de constante dans le monde dans lequel on vit. Alors, vous urinez à terre sur un coin de mur et puis on vous met en prison, on vous porte à l'amende et puis vous avez des gens comme BP qui polluent au complet le golfe du Mexique avec des centaines de millions de litres de pétrole. Vous avez des gens à TEPCO qui polluent tout l'hémisphère nord avec des radiations et ces gens-là, tout ce qu'ils ont besoin de faire, c'est de quitter leur emploi. Hein, ne sont pas inquiétés de poursuites judiciaires, ne sont pas inquiétés de faire de la prison, ne sont pas inquiétés d'être pendus sur la place publique. Hein, je veux dire, ces gens-là s'en vont avec la grâce. Et puis, tout simplement, on vient de polluer tout l'hémisphère nord et possiblement la planète pendant, selon les isotopes radioactifs, là, de quelques jours à jusqu'à des centaines de milliers d'années, c'est pas des millions d'années. Okay? Alors, lui, tout ce qu'il a besoin de faire, ben, c'est là, il se retire, il va prendre sa retraite. Hein? Donc, merci beaucoup, monsieur. Et puis, ben, ces cons-là, ben, ils continuent de faire des siennes un peu partout. Aux États-Unis, vous voyez, le réseau est aussi fragile qu'ailleurs. Là, vous avez une tournade qui a affecté une région là-bas, proche d'une centrale nucléaire. Et puis, le truc, tout simplement, là, s'est éteint. Alors, la centrale s'est éteinte au complet. On n'a pas détecté de radiation, apparemment, rien de rapporté jusqu'à date. On dit que c'est une situation qui est peu commune, sauf que vous voyez que justement ces trucs-là, comme je vous disais dans les émissions précédentes, sont sécuritaires jusqu'à la fin de l'après-midi. Hein. Ils vous disent, oh, pas de problème, c'est sécuritaire le nucléaire. Bien sûr, c'est sécuritaire. Oh, il n'y a aucun problème avec ça. C'est sécuritaire jusqu'à attendre un peu, sécuritaire jusqu'à 5 heures à soir. Après ça, on ne le sait pas. Hein. Donc, il arrive des tournades. Ça, c'est en Virginie. Ben là, clouc, la tournade, elle arrive, le truc, il s'arrête. On ne sait pas ce qui arrive avec les systèmes de refroidissement. Si ça s'arrête, ben là, boum, le truc rentre en fusion. Après ça, ben, on se retrouve avec des situations comme à Tchernobyl, à Three Miles Island, à Fukushima, et ainsi de suite. Okay? Donc, vous voyez, c'est la même situation un peu partout, là. Donc, ensuite, ben, c'est pas fini aussi à Fukushima. Là, écoutez, au Japon, là, c'est la saison des typhons que ça vient. Là. Moi, vous savez, je parlais de l'Asie, là. C'est le cas ici, Taïwan, Japon, partout, les Philippines, là, toute la région ici, Pacifique, là, c'est la saison des typhons qui s'en viennent dans pas très longtemps. Fait que là, imaginez si le truc, le Fukushima, n'est pas déjà stabilisé, si on n'a pas tout simplement arrêté les émissions de radiation et rendu ça un peu plus solide et sécuritaire, là, pour pas que justement le truc part au vent ou s'il arrive à d'autres tsunamis ou d'autres tremblements de terre. Là, c'est les typhons qui s'en viennent, là. Hein? Donc là, imaginez le typhon là, qui va commencer à prendre là-dedans, à garrocher, à lancer des émissions de radioactivité un peu partout, encore plus dans l'hémisphère nord. Donc là, donc ça regarde pas très bien, avec des structures au-dessus des réacteurs qui sont à moitié démolies, ça tient par un cheveu. Imaginez si vous tombez avec des gros morceaux d'acier qui commencent à tomber dans le carburant, dans les réacteurs, endommage encore plus les réacteurs et puis les enceintes de confinement. Chers auditeurs, ça regarde pas très bien là. Donc là, vous avez des médias qui commencent à parler de cette affaire-là. Donc c'est sûr que c'est pas joyeux. Puis là, ben, vous avez aussi des taux de radiation absolument élevés là. Écoute, sur autour là, écoutez, autour des centrales là, je veux dire, on se rappelle là qu'on a des différentes émissions là qui vont à la hausse, ça redescend, ça monte, ça descend, et puis on est obligé de retirer les travailleurs. On a eu un autre feu justement dans un des réacteurs. On voit de la fumée, des radiations qui continuent d'augmenter. Vous avez plusieurs photos qui ont été publiées à ce niveau-là. On a trouvé un bloc de ciment hier qui émettait plus de 900 000 microsieverts de radiation par heure. Alors, écoutez, ça se trouve à être presque un sievert. OK, un sievert, là, c'est une forte radiation, là. Très forte radiation. On ne peut pas rester proche d'un bloc comme ça. Ça a été trouvé à l'extérieur de la centrale. Alors, on a commencé à trouver des débris comme ça hautement radioactifs. On dit que ce bloc de ciment-là qui a été retrouvé, qui fait environ 30 cm par 30 cm par quelques 5 cm de large, pourrait tuer quiconque s'y trouverait pendant plus de 6 heures à ses côtés. Okay? Donne un peu une idée là, de la dangerosité de ce qu'on trouve là. Donc, on trouve toutes sortes de fragments comme ça qui ont été expulsés, qui ont été vraiment là éjectés dans les airs avec les massives explosions d'hydrogène qui se sont passées là suite là, au 11 mars. Donc, vous avez quelques nouvelles à ce niveau-là, des nouvelles radiations qui, là, on veut augmenter les limites là, des nouvelles radiations de 500% pour les travailleurs justement qui se rendent là. Donc, ces gens-là, écoutez, déjà, normalement, la limite annuelle là, pour les travailleurs sur des centrales nucléaires est à 100 millisieverts par année. Alors, on a augmenté cette limite-là à 250 millisieverts par année pour que les travailleurs puissent entrer sur le site de Fukushima. Donc, déjà là, on les expose à 2,5 fois plus de radiation. Et là, ce n'est pas suffisant encore. Donc là, on va augmenter ça de 500% encore, donc on va monter ça de façon quasiment là stratosphérique, jusqu'à temps que finalement ces gens-là soient complètement grillés, et puis on les remplace avec d'autres. Et puis vous devez savoir aussi un fait assez particulier, c'est que lors de la catastrophe de Tchernobyl, là, vous aviez des milliers et des milliers de travailleurs qui étaient venus. Les gens, écoute, on les appelait des jumpers, là, donc ils sautaient là, ils faisaient une petite tâche pendant 2-3 minutes, après ça, ils se retiraient. Oups, on en envoyait un autre, et il faisait son 2-3 minutes, et puis on le retirait. Là, à Fukushima, on se retrouve avec une équipe de 50, 100 personnes, simplement. 100, à peu près 50. Grosso modo, là, 50 à 100 personnes pour régler trois réacteurs qui sont en fusion et puis une piscine d'entreposage de combustible usagé. Pensez-vous vraiment qu'on va arriver à quelque chose avec 50 personnes? Donc, il y a vraiment des questions à se poser ici. TEPCO qui a estimé il y a encore 520 tonnes d'eau hautement radioactive qui a été, c'est simplement, qui a fui dans l'océan du Pacifique. Donc, écoutez, là, on se retrouve avec des taux d'estimés de 4 700 terabecquerels. Alors, ça, ça fait pas mal de becquerels. Ça veut dire quoi en termes comprenables? C'est que c'est 20 000 fois plus que la limite permis annuelle. Donc, vous voyez, là, c'est énorme les quantités de radioactivité qui sont relâchées dans l'environnement. Vous avez le Irish Times ici qui parlait de fusion aussi des fameux crayons de combustible qui a été confirmé, dans les réacteurs numéro 1 et numéro 3. Ça, c'est en plus du réacteur numéro 2 qui, on a rapporté il y a quelques semaines, avait tout simplement brûlé à travers la fameuse enceinte de confinement de pression. Et puis, en fait, là, vous avez deux enveloppes, si vous voulez. Vous en avez une pour la pression. Et puis après ça, vous avez l'enceinte de confinement à l'extérieur. Alors, ce truc-là est en train de passer à travers les deux. A tout simplement laissé des petites flaques des flaques de débris radioactifs sur le plancher de béton sous le réacteur. Donc, vous voyez que la situation est loin d'être sous contrôle. Vous avez l'agence japonaise qui a admis qu'on a justement de la fusion. Qui est en train de se passer dans le réacteur numéro 1 et numéro 3. Donc, vous allez trouver plusieurs articles à ce niveau-là. Ensuite, vous avez d'autres experts aussi. Là, c'est des experts à Sandia Laboratory qui parlent que justement les données qui sortent de TEPCO montrent, suggèrent que, évidemment, il y a de la fusion qui est en train de se passer dans ces fameux réacteurs-là. On détecte des éléments qui ne sont émis seulement que quand on a une fusion qui est en cours. Je vais vous laisser trouver tous les détails par rapport à ça. Radiation aussi dans la piscine de combustible utilisée dans le bâtiment numéro 2 contiennent des millions de fois de plus de radiation que la normale. Et plusieurs milliers de fois plus élevé que dans la piscine de combustible usagé numéro 4. Alors, voyez là que le bâtiment numéro 2, le réacteur numéro 2, est assez critique. Est assez critique. On se retrouve avec des quantités énormes d'éléments radioactifs qui sont relâchés dans l'air et dans l'eau. Et puis, TEPCO, évidemment, a déclaré qu'il n'y avait pas réellement de fusion qui se passait dans les piscines de combustible usagé. Et puis, vous avez ici une vidéo de Gunderson, que j'apprécie beaucoup, qui lui discute justement des différentes conditions là, qui prévalent dans les réacteurs et qui, justement, démontre ce mensonge-là en expliquant comment que c'est impossible qu'il y ait autant de radioactivité dans cette piscine-là qui devrait normalement être zéro, ça devrait être complètement zéro dans l'eau alors qu'on a des taux très très élevés de toutes sortes d'isotopes radioactifs qui se ramassent là. TEPCO a déclaré que c'était retombé des airs à suite aux explosions, ce qui est complètement imbécile à dire puisque la piscine est encore à l'intérieur du bâtiment et ça se trouvait dans l'unité qui a encore un toit. Donc réellement, là, on se demande bien comment que autant de radioactivité, puis là, vous allez voir les chiffres vraiment incroyables, des chiffres vraiment très élevés. De matériaux radioactifs qui se retrouvent dans cette piscine-là et qui ne devraient pas être là normalement. Vous avez évidemment là, plusieurs articles qui viennent documenter ça et puis qui vont vous donner beaucoup plus d'informations là sur la situation dans ces trois réacteurs qui nous concernent ici, donc réacteur numéro 1, 2 et 3 et la piscine d'entreposage du bâtiment numéro 4, parce que dans ce bâtiment-là, le réacteur n'était pas en fonction. Lors du tremblement de terre du 11 mars. Oui, c'est assez inquiétant. Des radiations qui sont des millions de fois plus élevées que la normale dans la piscine de combustible utilisée du bâtiment numéro 2. Il y a beaucoup d'articles qui ont été publiés là-dessus. Ça suffisait de mettre la main dessus. Je les mets tous à la même place. Les meilleures informations. On a des hausses, des genres de pics aussi de radiation dans le réacteur numéro 3. Ça a été rapporté par le Japan Times. Alors, vous allez trouver des articles aussi par rapport à ça. Alors, vraiment, là, on retrouve là, des émissions assez importantes de radiation sur le site. Et aussi le Japon qui a admis que les émissions quotidiennes de radioactivité de Fukushima sont au moins de 15 000 % plus élevées que ce qu'ils avaient été annoncés. Alors, ça, c'est justement la donnée que je vous disais avec les 154 trillions de becquerels par jour qui sont émis. Ça, c'est, écoutez, un térabyte, là, c'est un trillion. Vous voyez, là, c'est des quantités absolument énormes. Une nouvelle ici fait état des fameux crayons de combustible dans le réacteur numéro 2 qui sont à 35 % exposés à l'air libre. Vous avez un article ici où on parlait justement de cette fumée qui s'élevait de tous les quatre réacteurs de façon quasiment quotidienne. Donc, on voit qu'il y a plusieurs trucs là, qui sont encore relâchés dans l'atmosphère. Vous avez évidemment plusieurs vidéos à aller consulter, plusieurs images. On a même inséré des robots. Donc, on commence à avoir des images de l'intérieur de ces bâtiments-là, à savoir ce qui se passe. On sait que maintenant, les taux de radioactivité sont beaucoup trop élevés pour y envoyer des travailleurs. Alors, les travailleurs ne peuvent même pas s'approcher des bâtiments, des réacteurs. Alors, ça aussi, ça a été rapporté par des médias japonais. Alors, écoutez, on trouve des doses à l'intérieur de ces bâtiments-là, au réacteur numéro 1, numéro 3, qui montent à 2 à 4 millisieverts par heure. Des radiations qui ont été mesurées aussi à l'intérieur, en fait, entre les portes de ces réacteurs de building qui se trouvent à 270 millisieverts dans le réacteur numéro 1 et de 12 dans le numéro 2 et de 10 dans le numéro 3. Donc, anyway, c'est tous des chiffres par-ci, par-là. On n'est même pas certain si c'est les chiffres normaux. Comme je vous dis, on apprend un mois plus tard qu'ils savaient les chiffres qui étaient combien de fois plus élevés. Je veux dire, les émissions étaient, écoutez, là, je veux dire, le chiffre 15 000 % fois plus élevé que ce qu'on nous avait dit. Je veux dire, vous voyez bien là que finalement, on joue avec les chiffres, on vous dit à peu près n'importe quoi, on pense que c'est la meilleure façon de ne pas faire paniquer la population, on ne fait même pas confiance à la population pour pouvoir décider par eux-mêmes ce qu'on veut faire de cette information-là. On vous prend par des bébés et après ça, ben, on vous dit la vérité plus tard, donc eux autres, ils s'organiseront avec ça. Donc, c'est vraiment la situation. Quand même, je vous dirais tous les chiffres et puis les pourcentages et puis les ci, puis les ça. On n'est même pas certain si c'est la vérité. En réalité, ce qu'on est certain, c'est que plus ça avance, plus les vrais chiffres commencent à sortir, puis on s'aperçoit que la situation est bien, bien, bien, bien, bien pire que ce qu'on pensait. Niveau 7 sur l'échelle des accidents nucléaires, là, c'est de la petite bière. Hein? Il n'y a rien là. Fukushima, à mon avis, là, ça devrait être classifié au-dessus de 9, 10, complètement faire une nouvelle échelle, là, puis mettre Fukushima bien au sommet, là. Parce que ça n'a rien à voir avec Tchernobyl, puis tout ce qui s'est passé dans le passé, là. Je veux dire, c'est une situation absolument catastrophique avec quatre réacteurs, trois réacteurs qui sont en train de fusionner, puis une autre piscine dans le bâtiment numéro 4, dans laquelle on voit des réactions nucléaires complètement anormales avec des taux de radioactivité très, très, très, très élevés. Donc, voilà, et puis vous avez des niveaux d'eau qui continuent à augmenter sous les bâtiments. Ça, évidemment, ben, c'est un autre problème aussi. Ça se trouve avec des quantités énormes d'eau radioactive. On ne sait pas trop quoi faire avec ça. Ça va prendre énormément de temps à traiter. Écoutez, la situation qui devient de plus en plus sérieuse, il n'y a aucun prospect là, vraiment de voir ces fuites de radioactivité être mises sous contrôle, selon même plusieurs experts et médias, même provenant de la Corée du Nord. Vous avez vraiment beaucoup d'informations. Là, j'aurais pas le temps de tout passer, mais c'est pas mal le principal, anyway, là, ce que je vous ai apporté. Donc, vous irez consulter le reste. Là, je pense que pour l'important, c'est déjà là, c'est déjà dit. TEPCO qui n'a pas réussi à avoir des assurances pour repartir la seconde centrale de Fukushima. Donc, ça aussi, c'est un dur coup pour eux autres. Évidemment, qui veut assurer ces gens-là? Donc, c'était une autre centrale qui est située, ça s'appelle le Fukushima Daini, qui est situé à 11 km au sud du Daiichi. Alors, ils voulaient repartir aussi cet endroit-là. Et puis, ben, ils n'ont pas réussi à avoir les assurances nécessaires pour pouvoir le faire. Alors, évidemment, on ne fait pas trop confiance à TEPCO. Merkel en Allemagne, elle, qui a déclaré que l'Allemagne va s'aligner sur un futur sans pouvoir nucléaire, alors sans électricité, en fait sans énergie nucléaire. Donc, on est en train de tout simplement là, se sortir du nucléaire en Allemagne. Les taux de radiation aussi qui augmentent, et puis de retombées radioactives aux États-Unis, au Canada, qui commence à être de plus en plus importante aussi, puis dans certains endroits. Écoutez, dans 14 États, on a trouvé de l'eau potable avec des taux de radioactivité qui étaient jusqu'à 20 fois plus élevés, autant dans l'air que dans l'eau, en 14 États. Et puis, vous avez la EPA qui, au lieu de régler ça, comme je disais la semaine passée, ben, font simplement le contraire, c'est qu'ils montent les niveaux normaux de radioactivité qu'on devrait trouver. En Arizona, on a trouvé de l'IA de 131 dans le lait à Phoenix, qui était à des niveaux 500 fois plus élevés, 500 %. 500 % plus élevé que les standards de l'EPA. Alors, en Ohio, la même affaire, on a trouvé plus de 3 picocuries par litre justement de diode radioactive, ce qui, évidemment, atteint le seuil où c'est que, justement, on interdit les gens de boire l'eau parce que ça peut être dangereux pour la santé. toute dernière petite chose avant que je vous laisse, là, c'est plusieurs autres informations sur Stuxnet et puis justement ce fameux virus qui avait été mis au point par le Mossad et puis les États-Unis pour trafiquer, pour briser, si vous voulez, les programmes informatiques de la centrale nucléaire iranienne qui, malheureusement, se sont répandus un peu partout. Dont au Japon, et puis qu'on suspecte aussi qu'il soit responsable de la malfonction des systèmes de refroidissement après que le tsunami ait frappé. Et puis, curieusement, bien, vous allez trouver toutes sortes ici là, de nouvelles là, qui parlent justement de problèmes dans les centrales nucléaires qui pourraient être causés aussi par ça, en tout cas, qui regardent vraiment étrange. Donc, vous avez un réacteur nucléaire dans le coin de Atlanta aux États-Unis qui s'est fermé, qui s'est éteint de façon très abrupte et sans qu'on l'ait voulu. Là, on se demande pourquoi que le truc ouf, tout d'un coup se ferme comme ça sans que personne n'ait demandé. C'est arrivé à la même affaire sur une centrale nucléaire en Angleterre. Le truc, tout simplement, s'est éteint aussi. Badoum! Et c'était un système justement de Siemens qui était le système d'opération qui était visé par le virus de Stuxnet. Alors, on se demande si ce truc-là n'est pas en train de se promener un peu partout. Il est en train d'affecter une série de centrales nucléaires à travers plusieurs pays de la planète. Alors, on pourrait assister à des scénarios comme Fukushima, peut-être un peu partout sur la planète, avec ce stupide virus qui a été inventé pour faire des problèmes à la centrale nucléaire iranienne. Alors, ça a été le même cas aussi en Corée du Sud. Vous avez un autre endroit. À Cory, c'est une ville au sud, en fait, de Busan. Alors, je connais pas vraiment l'endroit, mais on s'est retrouvé avec encore la même situation où vous avez un truc qui s'est tout simplement éteint comme ça du jour au lendemain. Donc, assez spécial, n'est-ce pas? Donc, écoutez, c'est tout pour l'émission de cette semaine et puis pour la saison. Comme je vous disais, ben moi, je prends une pause. Alors, ben, prenez ça easy aussi de votre côté. Continuez d'être bien informés. Restez à l'affût, n'oubliez pas de visiter les nouvelles internationales et sans papier. Vous allez quand même me trouver là-bas, publier quelques informations par-ci par-là. Pendant ce temps-là, moi, je vais me ressourcer, me régénérer, et puis je vais vous revenir en force très bientôt. Je vais vous laisser savoir quand est-ce exactement que je serai de retour. Et d'ici là, ben, portez-vous bien. Et puis, ben, écoutez, on se retrouve très bientôt. OK? C'était François Margina pour L'Autre Monde.